2000 euros, ma chérie. Ouais. 2000 euros, Orlan. La Castafiore, 2000 euros. Fais attention, pas trop d'émotion. 2000 euros qu'on va te... Respire, souffle. Je te fais un gros bisou, Orlan. Je t'offre les 2000 euros. Merci, quoi. Merci toute l'équipe. Merci, je te fais un gros bisou. Fais attention, joyeux Noël et plein de bonheur, d'accord? Joyeux Noël à vous, des bisous, bisous, bisous. Une bande de ouf, enfermée dans un studio, vont te faire oublier que t'as eu une journée pourrie. C'est le Before de Noël. Des vannes, des infos et des cadeaux. En fait, c'est comme d'hab, avec Maria Carré en plus. Merci d'être avec nous. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Et à partir de ce soir, nous allons vous faire des bisous et vous laisser entre les mains de nous-mêmes la semaine prochaine, puisqu'il y aura un grand best-of. Ah, bien. Avec tous les meilleurs moments, les pires moments, toutes les stars que vous avez aimées. La crème de la crème. Tous ceux qu'on a reçus de jamais, la Kev Adams, tous ceux que vous avez kiffé. Il y aura. Il y a qui, Stouf? Je sais. Il y a Kev Adams. Elle a fait tout le best-of. Hein. Il y a. Ah, comment elle s'appelle? Super, ok. Bah, c'est très bien. Zara Larsson. Zara Larsson. Bonne productrice. Je sais pas. Et l'autre. J'ai une semaine de best-of, mais il ne me revient rien. Rien. Tellement vous m'avez marqué. Il n'y a pas un truc qui me revient. Mais si, je l'ai réécouté, je me suis marré comme. Ah, bah, tant mieux. Je l'ai réécouté. Je me suis fait chier. C'était pas drôle. Merci à vous tous d'être très nombreux à nous suivre. Donc la semaine prochaine, bah oui, parce que c'est un peu Noël. Et on va prendre quelques jours et nous serons de retour le 3. Oui, oui. Yes. Venez nous voir en public le 3. Hein. Venez nous voir, ça nous fera très plaisir. Pour être avec nous, coépublic@energie.com. On ne vous abandonne pas sur tous les réseaux sociaux. On sera là toutes les vacances et je dis ça pour tout le monde. Et le 24 au soir, 18h, je vais faire un petit Facebook Live en live de chez moi. Pour tous ceux qui, par exemple, ont envie de se détendre un peu avant l'arrivée de Bonjour Papi, Bonjour Mamie. Voilà, et de se taper une longue soirée à table. Ah. Le 24 au soir, je vous souhaiterai un joyeux Noël en live sur mon Facebook, Coé officiel, oui. T'es tout seul le 24? Oui, je suis tout seul. Oh. Ah bon? Oui, parce que je récupère mes enfants le 25. D'accord. Voilà, là, je vois des parents divorcés. Donc. tu préfères le 25, non? Mais en fait, je m'en fous. Je d'accord. 24 au soir ou 25, je m'en si fous. Si tu veux, tu peux venir chez moi. Eh bien, je préfère être seul, Bordas. Tu sais, il y a ce vieil adage, des fois, qui dit vaut mieux être tout seul qu'avec Bordas. Ah oui. Donc, ça va. Franchement, je m'occupe de tout. Je te fais un bon repas et tout en famille. Oui, mais je suis au Touquet. Je serais bien aussi. Je me ferais un bon repas à moi tout seul. Je mange sans voilà, et puis ça. Et puis, j'ai pas envie de. Non, c'est pas un problème dans la famille des autres. Je t'aime beaucoup, Bordas. Mais je veux pas gâcher la famille. Mais la famille des autres, déjà, on a parfois du mal à supporter sa propre famille. C'est pas pour aller supporter celle des autres. Mais on était en petit comité cette année en plus. Il y a qui? Il y avait juste mes parents. Il y a que moi. Et c'est où? En Bretagne. Ah oui, génial. Mais je t'aurais pris un billet. Hein. Oui, oui. Ah, tu payes mon billet. Ah ouais, grave. Ah, t'as peur de te faire chier à ce mois-là. Non, mais ça m'aurait fait plaisir. En tout cas, voilà. Donc, on fera un Facebook Live. Et puis, j'espère que vous allez passer, vous tous, un joyeux Noël tout à l'heure. Jennifer sera avec nous. Nous allons faire tout à l'heure avec Jennifer. Et nous restez avec nous jusqu'au bout de l'émission. Nous allons tenter le Mère Noël ou Père Noël pour savoir lequel des deux finira l'émission en Mère Noël ou en Père Noël. Ok, très bien. Ça va être magique, on fera un jeu à la loyale. Dans l'émission aujourd'hui, les champions du monde de l'actu, j'en parle dans un instant avec un spécial apéro. Jeff, ça va te plaire. J'adore. Nous aurons des voleurs dans l'actu en général, des voleurs de palettes. Nous aurons des nouvelles de Kim Kardashian. Oui. Tout va bien, viser la lune, ça ne me fait pas peur. Nous aurons des nouvelles des gens qui, par exemple, ont du mal à se réveiller le matin. Est-ce que ça veut dire qu'on est bon, productif ou est-ce qu'on est des nazes? Vous aurez la réponse scientifique dans un instant. Je vous parlerai des 10 stars américaines les plus riches, histoire de bien vous dégoûter de la vie avant Noël. Nous aurons le top 10 des chiffres les plus dingues de Noël. Nous aurons la compile des demandes des chanteurs au Père Noël. Nous aurons des nouvelles de Jean-Paul, notre patron, tout à l'heure. Nous aurons des questions au Père Noël avec encore un enfant qui pourra poser ses questions avant 18h au Père Noël. Et l'émission en public tout à l'heure avec Jennifer, on aura un coïs en charge. On aura des nouvelles de Georges Brassens. Ah, ça fait longtemps. Qui reviendra nous voir. Mais on commence l'émission avec de la culture. Est-ce que ça va tout le monde? Oui. D'accord, je voudrais juste. Tu l'as le son, mon petit Bichette? De quel son tu parles? On l'a. C'est Sirène 1, Sirène 2. Ouais, c'est ça. Exactement. Hein. C'est une émission de télé-réalité. Oui. Elle n'est pas d'hier soir, elle a quelques jours. Mais j'avais envie de légèreté le vendredi. Dernier jour, vous êtes peut-être dans les bouchons. Vous allez partir en vacances demain. Vous allez supporter vos enfants pendant 15 jours. Et les enfants, récemment, vous allez supporter vos parents et vos grands-parents. Voici un petit peu de légèreté. Écoutez une discussion entre un monsieur de télé-réalité, c'est ça? C'est ça, ouais. Je ne sais même plus quelle émission c'est, mais juste une discussion entre un couple, oui. La villa des cerveaux brisés, ça s'appelle. Oui, c'est ça. Écoutez bien la demoiselle. On voudrait le faire exprès qu'on pourrait pas. C'est nager quand même. Quand j'ai pied, ouais. Ok. Sinon, j'ai une sirène à la maison, elle pourrait t'apprendre à nager. Une sirène? Oui, j'ai une sirène. Ah ouais, ouais. Ça existe les sirènes? Bien sûr que ça existe. Ah, je savais pas. Mais moi, je connais que la petite sirène, désolée. Les autres, non, je peux pas les voir. C'est quand même pour toi, c'est ta concurrence. Ah, c'est la sirène, ma concurrente? Ouais. C'est une sirène, ma concurrence? Ouais. C'est une blague, là, j'espère. Comment? C'est une blague? Et là, elle commence à réfléchir. Une sirène, je me dis, mais c'est bizarre, comment ils peuvent faire connaissance? Enfin, puis elle a pas de pied, donc pour moi, elle vit dans l'eau. Donc elle sera même pas dans la villa, je sais pas, je comprends pas du tout. Et moi? Et genre, mais attends, stop, c'est une sirène. Mais genre, elle fait des trucs comme ça et tout. Exactly. Elle fait des trucs comme ça. Dans l'eau et tout. Mais du coup, elle vit pas sur Terre? Non, elle vit au bord de la piscine. Mais après, quand elle va sous l'eau et tout, puisque sa famille, elle habite dans l'eau, normalement, les sirènes, quand moi j'ai vu Ariel, la petite sirène, toute sa famille, elle est dans l'eau et tout. Elle est toute seule. Mais oui, Ariel, la petite sirène, c'est un documentaire de d'Arte, bien sûr, hein, évidemment. C'est filmé par le commandant Cousteau. Voilà, c'est un vrai film. Alors. Oh, la teubée, quoi. Ils sont pas cons. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Vous avez pas vu là, tout le monde. Tous les gens qui sont au volant, ils se disent, eh ben. Je me sens intelligent. Merci, mademoiselle. J'ai peut-être pas eu mon brevet, mais je sais que les sirènes, ça vit pas dans les piscines. Bienvenue. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. This room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you run it? D'auditeurs, on fera un spécial question de fin d'année aujourd'hui. Ouais, on a tout recueilli. Questions que vous nous posez sur nous, sur l'équipe. Je répondrai à tout à l'heure à 18h. N'oubliez pas le 24 décembre, 18h aussi, Facebook Live. Oui. De chez moi à la maison. Ah, préparez-vous aussi à gagner beaucoup de sous, 7, 10, 12 par SMS en mettant Coé au début de votre message. Inscrivez-vous pour le cash. Oui. Il y a jusqu'à 10 000 euros à gagner. Ça vous ferait du bien avant Noël. C'est la dernière chance, dernière ligne droite. 10 000 euros, 2 000, 1 000, 500, 100 et 5 euros sont les chèques que j'ai mis dedans. Vous jouez avec nous et on n'en parle plus. Vous vous êtes prêts pour les champions du monde de l'actu? Oui. Allez. Ah, j'en ai du bon aujourd'hui. Vous voulez du français, de l'américain, vous voulez quoi? Français, tout, que tu veux. Français, on y va. Allez. Champion du monde de l'actu aujourd'hui, première championne du monde de la compagnie aérienne Ryanair. Vous savez, Ryanair en avait marre des grèves de son personnel à l'aéroport d'Eindhoven. Elle a donc décidé de solliciter le licenciement collectif de tout son personnel basé aux Pays-Bas. Et bim, comme ça, c'est réglé. Elle a dit, vous êtes 10 à me faire chier, je fous tout le monde dehors. Allez, je fais un bruit de gros. Et alors, pour l'instant, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne peuvent pas prétexter le motif de licenciement économique parce que Ryanair se porte bien. Ah oui. Donc, ah bah licenciement ouais. économique, ça ne marche pas. Ah bah c'est fou, il y a 10 mecs qui font grève. Le mec, il licencie tout le monde dans tout le pays. Le patron de Ryanair, c'est Thanos. Et encore, Thanos, il en aurait licencié un sur deux. Ah, oui, c'est vrai. Il ne serait pas allé au bout. Deuxième champion du monde, un Hongkongais qui vit donc à... Hong Kong. Ah, quelle culture. Bravo, jeune homme. Spécialiste de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? C'est la monnaie virtuelle. La monnaie des kryptonites. Est-ce que j'allais dire le Bitcoin, bah, voilà, Superman. J'ai un mec intelligent et un idiot. Il s'est pris pour Robin des Bois. Il a acheté 20 000 euros du haut d'un immeuble. Évidemment, vous doutez bien qu'une pluie de billets... En plein Hong Kong, a fait une émeute. La police l'a ensuite arrêté à bord de sa Lamborghini pour trouble à lieu public. Tu m'étonnes. Oui, oh, il risque pas grand-chose. Mais tu sais quoi? Moi, je m'adresse à ce monsieur hongkongais. Oui. Mais venez troubler l'ordre public chez moi. Mais oui, bien sûr. Venez chez moi autant que vous voulez. Troublez mon ordre public. Troublez l'ordre public de ma salle de bain. Voilà, faites-le une fois par mois. Je porterai pas plainte. Voilà. Et puis une petite nouveauté qui fera plaisir à Jeff. Le truc qui cartonne, c'est une guillotine à saucisson. Oui, j'ai commandé. Une, tu l'as? Je l'ai commandé. T'es sérieux? Je sais pas si je vais l'avoir. Ça cartonne pour Noël, la guillotine à saucisson, les amis. C'est français en plus comme invention, c'est made in France. Eh, hey, moi je vous le dis, un apéro, du saucisson, le rêve. Ah, tu sais quoi? Tu sais avec quoi c'est fait le saucisson? Non. Bah si, tu le sais. C'est des bas morceaux, du graal, tout fourré dans des intestins de porc, comme ça. Ah oui. C'est... Ah, t'as qu'une envie ensuite, c'est te jeter sur ton vélib et te noyer dans la mer de quinoa. je regrette, je ferai plus. C'est Chloé, c'est le Bifor sur Énergie. Tell me something. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. Times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? So hardcore, I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. Coé, c'est le Bifor sur Énergie. À 18h, l'émission, le studio de Noël, mais il est magnifique ce soir. Il est magnifique encore avec du pop-corn, avec tout. Il y aura Jennifer qui sera notre invitée tout à l'heure. Elle est magnifique, comme hier, avec du pop-corn et tout. C'est génial. Bon. Et Kim Kardashian, des nouvelles. Elle est magnifique. Elle est. Qu'est-ce qu'elle a beaucoup, elle a mangé beaucoup de pop-corn. Elle est rentrée au pop-corn. Tu sais, c'est comme quand des fois tu essaies de mettre ton oreiller dans la tête d'oreiller. Oui. Tu sens que t'as trop bourré un côté de l'oreiller. Oui, il a une forme chelou. Oui, oui. Et bah, c'est Kim Kardashian. Dieu, il a fait tout le monde. Puis au moment de rembourrer Kim Kardashian, sa femme a dû lui parler. Qu'est-ce que tu fais, Dieu? Attends, laisse-moi bosser. Puis il a dit que j'en ai foutu trop. Non, merde. Bon, bah, trop tard. Qu'est-ce que c'est? Ça déborde de mousse. Bon, bah, je laisse. Ah, bah, je laisse. Hein, chérie, tu recoues tout ça. On n'en parle plus. Eh bien, on vient d'apprendre que la vidéo cartonne, la vidéo de la scène porno de Kim Kardashian. Oh là là. Oui. Elle a été vue 55 fois cette année. Par seconde. Ah oui, par d'accord. 50, ah ouais. Il y a 55 mecs dans le monde par seconde. Ah sur les fesses de Kim Kardashian. On imagine, j'en fais partie. Bien. Mais ah c'est ouf quand même. Ah oui, j'ai dû me la faire. Ouais. Oh là là, comme quoi non, tu fais une sextape il y a 10 ans. Ouais. Et voilà, et ça fait boule de neige. Voilà. C'est boule de neige. Un gros boule de neige. Ah bah voilà, c'est ça qu'il y a dedans. A tout de suite, on revient avec les questions du Père Noël et peut-être 10 000 euros. Tous les matins, avec Manu dans le 6-9 sur Énergie, c'est comme ça. C'est le livre le plus offert à Noël, la Bible. Ah wow. C'est dingue, hein. D'accord. C'est chelou. C'est chelou, c'est celui qui est le plus offert à Noël. Ouais, oh, ouais. Maintenant, si vous avez un enfant qui vous demande une PS4, que vous lui filez la Bible... Ouais, c'est ça, c'est compliqué. T'sais, il va chercher la manette, il va pas comprendre. Hein. Il va dire, ça c'est le mode d'emploi. Manu dans le 6-9. Manu. Et ouin ouin. Tous les matins, 6h, 9h30 sur Énergie. Micheline, votre réponse pour ce jackpot de Noël? La mer Noire. Et c'est... C'est gagné! C'est la mer Discount! Aujourd'hui, le homard américain cuit surgelé est à 4,99€ chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. 350 grammes, soit 14,26€ le kilo, magasin participant sur netto.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Avec Conforama, Noël est plus beau. Quand Noël est déjà là, mais les idées pas tant que ça. Nous, on vous propose la carte cadeau personnalisable à partir de 10€. Pour offrir l'embarras du choix à prix Conforama. Conforama. Voir liste des magasins ouverts dimanche sur conforama.fr. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Tu sais, à ton âge, j'avais le droit à une clémentine pour Noël. À ce prix-là? Mais je sais pas, on fera dans tes parents. Dès aujourd'hui, les clémentines Corse sont à seulement 2,45€ le kilo. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété fine de Corse, calibre 2-3, catégorie 1, origine France. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Ah chérie, regarde celle-ci, elle est parfaite, non? Elle est pas un peu grande? Mais non, c'est le modèle qui veut ça. Oh, attends, et si on offrait la même à ma sœur pour Noël? Avec une orchidée, on est sûr de pas se planter, hein? Jusqu'au 31 décembre, les plantes sont en fête chez IKEA. L'occasion de faire plaisir à petit prix avec l'orchidée une tige et son cache-pot 12 cm à 5,99€ au lieu de 7,98€. Profitez-en grâce à notre carte gratuite IKEA Family. IKEA. Offre dans la limite des stocks disponibles, voire conditions sur IKEA.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le panier de fruits de Pauline qui change, avec le litchi origine Madagascar à 2,79€ le kilo. 2,79€. Pauline, le litchi, c'est le punk de la famille des fruits. Il est bizarre, original et on n'en croise pas tous les jours. Goûte, tu verras. Jusqu'à ce soir seulement, vos magasins Auchan, Maillauchan et Adepa proposent le litchi origine Madagascar à 2,79€ le kilo et votre panier de fruits change. Auchan. Catégorie 1. Roulez en Peugeot maintenant, commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de conduire un SUV Peugeot au design affirmé, et si vous êtes impatient de donner une nouvelle dimension à vos voyages avec une modularité jusqu'à 7 places, alors n'attendez pas l'année prochaine. Rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des 2 premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant d'un SUV Peugeot. LLD 37 mois 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par détails sur Peugeot.fr.

Les plus riches. Ah, t'as envie de te faire mal, toi, hein. T'aimes bien, toi. Ouh, elle est coquine. Dixième, James Patterson. Il est écrivain. J'ai jamais lu un seul de ses bouquins. Et ben, même si j'ai jamais lu un seul de ses bouquins, il a gagné 800 millions de dollars. Ah ouais. Mais c'est dans l'année. Non, c'est leur fortune. Oui. Ah, global. Ah, c'est la fortune globale. Je sais pas, j'ai un doute. 800 millions sur l'année pour un écrivain? Non, c'est global. Neuvième, Tiger Woods. 800 millions de dollars. Huitième, Pididi, 825 millions de dollars. Pididi. Septième, David Copperfield. Et hop, je te fais disparaître encore et je te fais apparaître du pognon. 875 millions de dollars. Tu vois, avec une colombe toute pourrie, ce que tu fais. C'est joli. Sixième, Jay-Z, 900 millions de dollars. Avec ses baskets introuvables, là. C'est lui qui les fait, là, les Easy. Oui, c'est lui. C'est lui, introuvable. Ma fille, elle me saoule avec ça. 800 euros les baskets. Mais gratte-toi. 800 euros les baskets. Gratte-toi, Jay-Z. Prends-lui les trucs. Je vais te donner 800 euros. Cinquième, Kylie Jenner, 900 millions de dollars. Et voilà. Le cul est moins gros que la frangine et ça gagne plus d'argent. Quatrième, Michael Jordan, 1,7 milliard. Ouais. Troisième, Oprah Winfrey, 2,8 milliards. À la télé, ici, là-bas, c'est autre chose que Michel Drucker et Nico Saliagas. Deuxième, Steven Spielberg, 3,7 milliards de dollars. Et premier, George Lucas, 5,4 milliards de dollars. C'est pas le Père Noël? Ah oui? Ah si, c'est lui. Ah si, c'est le Père Noël. Dérapage. Père Noël. Bonjour les enfants. Bonjour Père Noël. Comment allez-vous? Ça va. Bientôt Noël. Oui. J'ai eu ton cadeau que tu m'as demandé, Miko. C'est vrai, c'est bon? Oui, il sera dans la cheminée. Merci beaucoup. Stouff. Oui. Oui, j'aurai c'est aussi ce cadeau. Oui, les muselières dont je me sers pour mes reines, je te les envoie à partir du 25 comme tu me les as demandé. Y a-t-il des questions d'enfants? Oui, Père Noël. Oui, Père Noël, pourquoi tu ne m'offres jamais ce qui est sur ma liste? Cet enfant ne prononce pas bien les choses. J'ai pas compris la question. Cet enfant, si, on l'a compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi est-ce pourquoi qu'il tu a... ne m'offres rien ce qu'il y a sur ma liste? Ah, effectivement, il parle mal le français. Eh bien, voilà une question intéressante. J'ai tous... Alors, tout simplement, je t'explique. Parce qu'il faut être réaliste, mon enfant. C'est la merde en France aujourd'hui. T'as pas vu les gilets jaunes dans la rue? Le Père Noël n'a plus de sous. Alors, si tu me demandes une Ferrari électrique ou un iPhone X, il y a de fortes chances que tu te retrouves avec un hand spinner made in China sous le sapin. Voilà. D'ailleurs, si tu pouvais me commander un hand spinner, ça m'arrangerait. J'ai tout un stock dépôt. Je sais plus quoi en foutre. Chier avec leurs questions, les mômes. Salut! Au revoir, Père Noël! C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Bitches. Bifort sur Énergie. Est-ce que vous allez bien? Oui. Est-ce que vous voulez que l'on offre de l'argent juste avant Noël? Ah oui. Dans un instant, nous aurons des nouvelles de notre patron. Dans un instant, oui, Jean-Paul, notre patron. Dans un instant. C'est vrai? Oui. Des vraies nouvelles? Nous aurons le zap télé de Mico. Ça va, mon Mico? Oui, ça va. On aura quoi dedans? On se fera un spécial lapsus. Un best-of. Très bien, très bien. Il n'y a rien de pervers dans ce qu'il vient de dire. Non, ça n'a absolument rien là-dessus, à voir. C'est quand tu dis un mot à la place d'un autre. Vous savez que j'ai vu, on parlera de notre patron Jean-Paul parce qu'il y a eu une pub que j'ai vue à la Française des Jeux. C'est pas pour ça qu'on l'appellera tout à l'heure. Ouais. Parce que vous n'avez pas vu la nouvelle pub? Non. Je vous jure que c'est vrai, elle est sans trucage. Alors, ils en sont où des cadeaux? Je vois le drone pour le petit, le DVD pour la mamie. Oh, je vois rien pour tonton Jean-Paul. Oh non, ils l'ont encore oublié. Oh bah oui. Eh oh, vous avez oublié Jean-Paul. Pochette cadeau illico, il est encore temps de faire des heureux. Bah oui. Chaque jour est une chance. Bah voilà, bah alors. Eh oh, vous avez oublié Jean-Paul. Eh bah tiens, je vais pas oublier Jean-Paul, je vais vous filer sa thune. Très bel enchaînement. Ah bah crois-moi, je vais pas t'oublier, Jean-Paul. Il y a gagné 10 000 euros, 2 000, 1 100, c'est énorme. 5 000 et 500 euros à gagner cash maintenant. Vous avez oublié Jean-Paul. Mais non, j'oublie pas Jean-Paul, je te jure que c'est vrai. On y va, on appelle quelqu'un qui s'est inscrit au 7-10-12. Vous avez tous votre enveloppe? Oui. Allez, c'est parti, on va distribuer du bonheur. J'espère qu'elle va pas me prendre l'enveloppe à 5 Allô. Euros. On fait un gros bisou à Amandine. Comment ça va Amandine? Je m'appelle Koé, on est sur Énergie, bonjour. Ah non. Oh, ah si, comment ça va? C'est pas possible. Mais si. Non, tu crois pas. Mais incroyable. Oh, Fouria. Po. Ça va ma belle, tu es en forme? Bah écoutez, plus qu'en forme. Et tu fais quoi dans la vie? Alors je suis maman au foyer, je m'occupe de mon fils qui est autiste en fait. Ah c'est très bien ma belle. C'est à plein temps. Bah alors oui, alors déjà s'occuper, c'est du boulot, hein. Déjà s'occuper d'enfants, c'est déjà à plein temps. C'est du taf. Mais alors si en plus le petit il est autiste, c'est quel syndrome il est? C'est léger, c'est comment? Raconte-moi en deux secondes, parce que je sais qu'il y a différents degrés dans l'autisme. Ouais. Oui, bah lui en fait déjà il a 3 ans, donc il a été diagnostiqué très tôt. Ouais. Et en fait, il est léger parce que ça se voit pas physiquement. C'est plus dans des troubles au quotidien. Ouais, il aime pas quand il y a trop de monde. Il aime pas quand ça s'agite autour de lui, des trucs comme ça. Voilà. Puis il sait pas manger de morceaux. Enfin, il y a des petites particularités, mais. Mais bah c'est très bien. Trop mignon. Tu lui feras un gros bisou. D'accord. Je lui ferai. C'est quoi son prénom? Alice. Ali, tu le feras un gros bisou pour moi. Et quand il aura 18 ans, tu feras comme dans le film, tu l'emmèneras à Las Vegas, il comptera les cartes et tu gagneras des millions d'euros. Tu seras riche. Voilà. Un petit conseil que je te donne. Bon, attention, tu me choisis la bonne enveloppe. Choisis la bonne enveloppe, ma belle. Il y a pas mal de sous à l'intérieur. Je croise des doigts pour toi, même s'il y avait. Allez, on est à 2 jours de Noël, je suis embêté, je ne sais pas quoi. On y va. J'ai le suspense. Je vais te choisir toi, Koé. Ah, bah, j'ai pas eu le temps de dire tout le monde. Ok, on y va. Rapide. Oh non. Quoi? Bah voilà, ce que je voulais dire il y a 2 minutes quand je disais je suis embêté sur les 5 euros, bah voilà. Mais arrête, bah quoi? Oh non, non bah, on les a jamais eu. Amandine? Oui. Voilà Amandine. J'ai gagné 5 euros? Non, tu as gagné 1000 euros parce que c'était une vanne. Je t'offre 1000 euros, ma chérie. Joyeux Noël, Amandine! Merci beaucoup. 1000 euros. Tu vas faire ce que c'est tu veux. Inespéré. Tu vas faire, tu sais quoi? Je vais faire plaisir à mon petit chou. Et tu sais quoi, ma belle? Ah bah 1000 euros là, oui. Là, oui. Tu peux y aller. Oui, tu sais ce qu'on va faire? Je vais aller toujours. On essaie de faire ça. Là, on essaie de presser les gens à la compta d'énergie qui ont autre chose à faire que nous, parce que là c'est bilan de fin d'année. Jean-Paul lui dit oh, tout ça c'est trop cher. Enfin bon, tu vois le truc. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller les voir pour qu'ils essaient d'envoyer le plus vite possible pour que tu puisses l'avoir le plus vite possible, le chèque, d'accord? Merci beaucoup. Je t'embrasse fort. Merci. Continuez comme ça. Plein de gros bisous. T'habites dans le Nord? Oui, dans le Nord. Ah, j'ai entendu. Hein. À quel endroit? À Lille même. À Lille même. Eh ben, je t'embrasse fort. Gros bisous. Demain soir, on sera à Lille, nous aussi. C'est une ambiance incroyable à chaque fois là-bas. Bisous, ma belle. Merci, super. Ouais. Gros bisous. T'embrasse. Vous aussi, vous voulez gagner jusqu'à 10 000 euros. Ça va reprendre à partir du 3, le cache-cache. C'est Koé, c'est le Bifort sur Énergie. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. so I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You'll find another and you'll be just fine. Past like time, and they can't steal love you're born to find. But nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love. It's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Demain 21h, Extravadance by Koé. Demain, je mixe tout pendant 3h et je suis ravi de ce que vous allez découvrir. Vraiment, j'espère que vous allez adorer. Si vous êtes chez vous à la maison, si vous voulez écouter du son, je vais être honnête avec vous, hein, c'est à tendance électro. Hein. Ah oui, oui, bah, oui, oui, normalement. Voilà, vous mais, attendez pas de la musette. Hein. Non. La country. Non, non, mais je pense que vous allez vraiment aimer. Le Zap Télémico, il y avait quoi? Alors, on se fait un best-of lapsus dans le Zap et on commence avec Anne-Sophie Lapix qui se trompe de nom de journaliste dans le 20h de France 2. Le plan Vigipirate a été porté hier soir à son plus haut niveau. Urgence attentat. On retrouve à Strasbourg, devant la frontière allemande, Anne-Claire Coudray, Poignard, excusez-moi. Bonsoir Anne-Claire. Eh oui. Mais non, l'autre c'est celle qui présente le 20h sur TF1. Non, c'est vrai que ça avait fait parler. Ah oui, ça a fait parler. Hein. On continue avec ce joli lapsus dont tout le monde veut prendre sa place, présenté par Nagui. Vous êtes arbitre de foot. Voilà. Dans... C'est aussi un métier à risque. Arbitre de foot, très dangereux. Non, de foot. De foot. Ah, je suis désolé. C'est le lapsus révélateur. Eh ouais, bien sûr. De foot, mais bien sûr, évidemment. Sûr. Et bon appétit. La faute. Bien sûr. Allez, on termine avec mon préféré, c'est la journaliste de LCI qui a oublié qu'elle n'est plus sur BFM depuis plus d'un an. Oh, c'est magnifique. Il est quasiment 8h, édition spéciale sur BFM TV. Le tireur de Strasbourg est toujours en fuite. Et puis alors, elle s'arrête pas. Hein. Non, elle s'arrête pas. Ouais, édition spéciale. Mais en fait, je me dis, la pauvre, elle a fait ça pendant des années. C'est dit cette phrase. Édition spéciale BFM TV. C'est les réflexes. C'est quand même ceux qui sont les plus connus pour ça. C'est vrai que dès qu'il y a un truc en France, les mecs, ils font des millions de gens. Et t'as toujours ce mot. Elle s'est trompée. L'année dernière, sur notre radio, pendant un mois, t'as dit énergie. Hein. C'est vrai. Mais vous savez, je vais faire un truc. J'ai décidé un nouveau truc de mon nouvelle vie. On a les bonnes résolutions. Oui, oui. Chaque année. Ouais. Le jour où j'arrêterai énergie. Oui. Dans la prochaine radio dans laquelle j'irai, okay. Je continuerai de dire tous les jours énergie, sachant que de toute façon, je reviendrai à un moment donné. Donc, ce qu'on va faire, je m'adresse aux prochaines radios. Les prochaines radios dans lesquelles j'irai, ne m'emmerdez pas avec le nom de votre logo. Je continuerai de dire énergie. De toute façon, il y a un moment. Il reviendra. Parce que mon cerveau, avec les années, il va commencer à se fatiguer, les changements, tout ça. Et vous avez oublié la députée Obono qui a fait le gros buzz de la semaine. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Qui a casé Bolos à l'Assemblée nationale. Tout le monde en parle. Ah oui. Le Point, l'Express, là, tout le monde. Attention, il y a du coco partout. Hein. Monsieur le Premier ministre, arrêtez de prendre les gens pour des bolosses. Et bim. C'est Koé, c'est le Bifort sur Énergie. Oh oh oh oh. Báilame como si fuera la última vez. y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Los motores de Kawasaki, en la discoteca ya ni llegaron los Anunnaki, no le va a él, va. Oh, oh, oh, oh, I music, I flows. Bye, bye. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback. It's hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated, ayy. He say he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You hoes got no class. You bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on the mall, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie gives. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Bientôt Noël, bientôt vous allez pouvoir passer des bons moments, bientôt vous allez pouvoir faire des bisous à la famille, vous aurez des cadeaux, et oui, vous aurez des cadeaux moches. Et voilà. Ouais, ah, Miko, on avait parlé hier dans l'émission des cadeaux moches. On a fait un spécial hier pendant Caverita Aura. Absolument. Sur les cadeaux les plus moches que vous pouvez offrir à Noël. Pas trop de vannes, faites sobre. Oui. Non mais le t-shirt, moi je le dis, quand vous ne savez pas quoi offrir, il y a deux trucs qui se marchent bien. C'est quoi? T-shirt, parce que c'est toujours basique pour quelqu'un de moins de 40 ans. Hein. Ouais, faut connaître la taille et tout. Ah, les... Ça va. Tu connais normalement les gens. Ça va, je sais que à me voir comme ça, tu m'as acheté du S la dernière fois et ça m'a fait plaisir. XS. Mais non, il y a ça et il y a les bons d'achat. Bons d'achat, vous prenez dans les grands magasins selon la personne, vous prenez un bon d'achat. 50, 100 euros selon vos moyens, 80 euros. Et ça lui fait plaisir, elle s'achète ce qu'elle veut. Ça, c'est bien. C'est et vous avez plein de marques avec 80 euros, vous achetez plein de trucs. Ça évite les cadeaux empoisonnés. Voilà, moi, on est allé dans une célèbre marque la dernière fois de café, là, chez Starbucks. Ouais. J'ai pris des cartes. Parce mais ça, c'est vachement bien. Toute l'année, donc tu donnes ça à tes enfants machin ou n'importe qui. Hop, ils ont une carte sur eux, ils boivent des cafés grâce à toi. Mais je vais pas me taper pour 100 balles de chocolat. Tu finis. C'est d'un coup. Eh bien, il y a aussi un bon geste. Là, c'est le chèque énergie. Vous savez, on en avait beaucoup parlé. Oui. Le chèque énergie, ça n'a rien à voir avec nous. Hein. Le chèque énergie, c'est pour les gens qui ont les revenus les plus modestes. Entre 150, ça va passer de 150 à 200 euros. C'est pour pouvoir payer et aider sur le chauffage parce que le gaz monte, le fuel a monté, etc. Ouais. C'est pour aider un tout petit peu, même si ça ne. On me dit qu'il y a Jean-Paul. On a Jean-Paul en ligne. Patron d'énergie. Allô, Jean-Paul. Le boss. Allô. Oui, Jean-Paul, bonjour. Oui, vous recevez Jean-Paul Bottegrou, c'est votre patron. Oui. Moi, je suis en panique, là. C'est quoi cette histoire de chèque énergie? Ah, mais rassurez-vous, hein, Jean-Paul, c'est pas vous. Hein. C'est l'État qui fait un chèque aux ménages français aux revenus modestes pour payer leurs factures d'électricité et de chauffage. Oh, je me sens mieux. Moi, je me sens mieux. J'étais à deux doigts de revendre ma Peugeot 607 de 2002 sur le Bon Coin. Pas la centrale, hein. La centrale c'est payant, le Bon Coin c'est gratuit. Oh, là. Ça aurait pas suffi, Jean-Paul, de toute façon. Mais non, elle cote encore.

Sachez que c'est le nombre de dindes qui vont se retrouver dans les assiettes des Français. Oh là là, le génocide. 2,47 millions. Mais t'as raison, mec, c'est un génocide. Mais c'est un génocide de dindes. C'est ça. Bon, alors, c'est ok, la dinde a une sale gueule. Je suis d'accord. Il y a des animaux, tu les trouves mignons, t'as de la pitié. C'est vrai. La dinde, tout le monde s'en branle parce qu'elle a une sale gueule. Elle est moche. Avec cette espèce de crête qui lui retombe devant les yeux. On dirait un bobo mécheux du premier arrondissement. C'est ça, lui retombe devant. Le gloître à la baladure, le truc, tu lui parles, il c'est con comme la pluie. Et là, les dindes, tout le monde s'en cogne. Mais c'est bon. C'est vrai. Il a pas tort. Il y a un lapin qu'un mec torture dans un coin de la France, ça fait un scandale. C'est mignon, lapin. 2,47 millions de dindes, tout le monde s'en fout. Oh là là. Allez, une pensée pour les dindes, glouglou. Glouglou à vous. 72% des Français préféreraient éviter d'aller chez leurs beaux-parents à Noël. 72%. Eh oui. Tu fais où Noël, Jeff? J'ai beaux parents. Et voilà. 27% des femmes interrogées trouvent que c'est éprouvant, voire insupportable, d'avoir à passer cette période chez les parents de leurs compagnons. 27% des femmes. Moi, je trouve ça insupportable, hein, je le dis. Aller dans la belle famille, le machin, une fois de temps en temps, ça va, mais les fêtes, c'est trop long. Quoi ? Ouais, ça t'a raison. Oh, ouais, 2 millions, c'est le nombre de lettres que va recevoir le Père Noël. 2 millions. C'est beaucoup quand même. Hein. Ouais, oui, beaucoup. 23% des Françaises, le cadeau le plus redouté, c'est le fer à repasser. Et pour 22% des Français, c'est la machine à soda. C'est ouf, on dit pas la machine à soda, les gars, on dit le scénariste qui a écrit la série de Kev Adams. 42,5 euros, c'est le prix moyen du cadeau de Noël. Combien? 42,5 euros. Ah, ouais, j'ai explosé les budgets. 1,9 million, c'est le nombre de smartphones qui seront offerts à Noël. Quasiment autant de dindes butées. 1,9 million de smartphones, c'est fou ça. Hein. Et 1,9 million, c'est le nombre de gens qui diront 30 minutes après, bah alors il y a déjà plus de batterie. 707 millions, c'est le nombre de cadeaux de Noël que le Père Noël devra livrer dans la nuit du 24 au 25 décembre pour le monde entier. Et 40 000, c'est le nombre de tonnes de chocolat qu'on va consommer en France pendant les fêtes de fin d'année. C'est pas grave, j'ai fait un calcul, il faudra qu'on fasse un footing de 185 000 km. Autant vous dire que c'est rien. La compile dans un instant, reste avec nous, on est sur Énergie, tout va bien. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux, que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai, et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, mais on est plus tard, et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Vous allez bien? Oui. Est-ce que c'est chaud ce soir? Oui. Je m'entraîne pour le One Man. Ouh, ça va Lille? C'était incroyable. Toutes les dates que l'on a fait à guichet fermé du rodage du One Man, parce que j'aime cette expression, à guichet fermé. C'est fantastique. C'est à chaque fois, c'est plein et c'est un bonheur. Là, voici la compile des demandes de chanteurs au Père Noël. Les trois cafés gourmands, d'abord, pour le coup, eux, ils sont pas trop gourmands. On veut du Claudie Musette à en faire de la tête. On veut un vernis. Ça va. Un petit goût de gnoc. Avec la santé, mon grand. Eh bien, juste pour vous dire que la chanson et que les trois cafés gourmands, ça se passera à la télé bientôt. Oui, le 2, 3 ou 4 janvier. Voilà, début janvier, tout le monde chante contre le cancer. Vous savez, ce sera sur W9. Ouais. Et c'est le duo que je fais avec les trois cafés gourmands. Non. Non. C'est Coé et c'est, c'est eux qui font un duo avec toi. Et le, c'est grand, et le grand concours que tu as fait, ce sera le 5 janvier à 21h. 5 janvier, voilà, une semaine de culture et de chansons. Pas peu fier d'avoir gagné. Non, je l'ai pas dit. Bah, il a spoilé. Il a direct. Mais non, the genius. L'artiste, l'artiste de son côté, lui, classique, il a demandé au Père Noël. Ça va. C'est pas cher. Ça va. Alors Angèle, sa demande à elle est un peu plus flippante. Non, je te donnerai pas mes yeux. Non. Ah, lui, il y en a. Bon, il y en a. C'est notre ami Cop, hein, Cop Johnson. Oui. Ah bah lui, c'est ce qu'il veut. Hein. Gilet jaune. Voilà. Moi, gilet jaune. Demain, les gilets jaunes. Petit. Bah voilà, il va faire danser le petit. Maître Gims a été surpris quand on lui a demandé. Il savait pas, il cherche. Oh là là. Et enfin Soprano, il a déjà tout, alors il a fait une liste de ce qu'il a pas. Moi j'ai pas le même fusil que Kurt Cobain. Moi mal. J'ai pas les Claudettes de Claude François. Moi j'ai pas toutes les années de prison de Mandela. Moi j'ai pas la double carrière de Yannick Noah. Ni les narines en or de Maradona. Je note aussi. Et Booba, il a commandé une coupe de fruits, mais il les veut pas tous. Il en prend certains et les autres il en veut pas. Garde la paix, je le fais de faire. Garde la paix, je veux que tu viennes rapper grand. Voilà, le gars il veut tout, il prend les bananes, mais surtout te garde la pêche. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Ouais, joyeux Noël, Moré. This is a Prada jam. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. It's my name. Boom, boom, boom, boom, boom. Merry Christmas. Don't go away. Don't go away. Don't go away. Don't go away. Get busy. Get busy. Get busy. Let's go. Let's go. Quoi, quoi, 17h, 20h. Oh, bon. Oh. Ce soir, des cadeaux de ouf. Encore ce soir, il y aura pour la deuxième partie de l'émission. Oh la vache. Ah, ils sont bien, ils sont bien. Ils sont contents, ils sont contents. Vous savez que tout à l'heure. Ouais. Merci. Ouais, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Ouais. Oh, ça va maintenant. On aura peut-être des compiles tout à l'heure pour le public. On aura des Christmas Hits 2008, des compiles énergie avec des triples CD. Je sais pas s'il y a encore des gens qui ont des lecteurs CD, mais bon. On 2008, aura des popcorn aussi. 2018, voilà. 2008. Non, 2018. Donc voilà, c'est la compile dispo partout. Si vous allez chez Papy Mamie qui ont encore un lecteur CD, vous pourrez amener des trucs. Il y aura. C'est vrai que ça n'existe plus. Hein. Bah, je pense. Mais oui, dans les voitures. Mais de ma vie, j'ai même plus de quoi lire un CD. Non, les voitures. Ah ouais, les voitures, il a raison. Ah oui. Les voitures. Ouais. Nous aurons l'appel jeu de mots pourri dans un instant. Nous reviendrons sur les vrais. Et c'est d'ailleurs le public qui jouera tout à l'heure. Et s'ils ont la bonne réponse, ils auront la compile. Nous reviendrons sur les vrais ou faux téléfilms de Noël sur M6 et TF1. Puisque c'est aujourd'hui, on va rentrer dans la période où TF1 nous dégaine des séries de Noël, des téléfilms. Avec, c'est tous les mêmes. Hein. Ah, c'est tout le temps la même histoire. L'amour, le soir de Noël. Ah ouais. Le Père Noël a été enlevé, il faut le retrouver. Mais c'est pareil, toi. C'est, ils tombent amoureux au début, ils sont dans un petit village. Bah, oui. Ils sont dans un petit village, le mec il coupe des arbres, mec il a une tête, mais il est mannequin. Il rencontre une nana qui rentre dans la ville, elle est mannequin également. Ouais. Toujours maquillée, toujours. Alors que tu vas c'est dans vrai. Les petites villes des États-Unis, bon bah. C'est pas comme ça. Ils sont pas mannequins. C'est comme quand tu tombes un mardi soir du mois de novembre dans un village de la Creuse, t'attends pas à tomber sur. Bon. Donc on aura ça tout à l'heure. Nous aurons la recherche du Père Noël, des gens qui cherchent encore des Pères Noël. Ah oui, il y en a. Je m'en occupe, attends, je serai là. C'est payé ? Bien sûr. Ah bon, ça va alors. Pour le soir du 24, bon, évidemment. Alors aujourd'hui, je vais leur dire que je suis. Alors, on a fait le Père Noël qui n'aime pas les enfants. Oui. On a fait le Père Noël qui sort de prison. Oui. Ce soir, je serai le Père Noël alcoolique. Bon bah. D'accord. Et on verra si les gens sont prêts à engager un Père Noël alcoolique. Jennifer sera là tout à l'heure. On va remercier tous ceux qui nous ont mis de la déco dans ce studio, mais notamment des pop-corn pour tout le public, des barbes à papa. Moi, oui, ça fait c'est depuis, le monde foraine Paris. Les amis, depuis hier, je m'entraîne, je sais pas les faire, je te fais des boules. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, faut aller couper. Non, j'ai envie de mettre Jennifer, je mets Jennifer quand je veux, enfin, voilà. Mais voir, remets-le, je vais essayer de le couper. C'est pas facile à couper. Hein. Il faut t'apprendre. Nous aurons le monde. Je fais un bisou aux gens du monde forain de Paris. Voilà, le monde forain de Paris, c'est quoi, Stouff? C'est à Paris dans le 14e. Tout à fait. Ils nous ont prêté les machines à popcorn. Mais c'est quoi? C'est un musée. Papa. C'est un musée, le monde forain, c'est ça? C'est un truc avec. Bah oui. C'est pas. Pierre, c'est quoi, Pierre? C'est des forains, tout simplement, qui nous ont prêté leur matériel. Voilà. C'est courant de rien. Stouff, c'est la productrice qui ne connaît pas bien. Elle est sur le best-of depuis deux semaines. Bon, en attendant, nous aurons l'appel jeu de mots dans un instant. J'ai plein de messages à vous lire, de questions d'auditeurs. Vous êtes prêts? Oui. On y va. On a un message de Cindy qui nous dit « Hello mon coco, je voulais savoir ce que regardait Aya Nakamura sur son portable lorsqu'elle s'est fait défoncer par les gens qui regardaient le Facebook Live. » Moi je sais. Alors, moi j'ai la réponse aussi. Alors, vous avez été nombreux à nous poser cette question. Oui. Ça va, vous allez halluciner, je pense. Ouais. De ce qu'elle regardait, parce que tu te dis, elle ne nous écoutait pas, elle n'en avait rien à branler. Non. Elle regardait son téléphone portable. Des messages importants, des mails. Même on peut pas. Le comprendre, même une liaison pas. Avec la famille. Même pas. Qu'est-ce qu'elle regardait, Miko? Elle se regardait elle-même dans ses clips vidéo. Je vous assure que c'est vrai. C'est vrai. Là, c'est moi, je vais vous dire, c'est la cerise sur le gâteau. Je crois que le portrait vient d'être peint. Ah ouais. J'avais déjà un petit doute, mais là, le coup de pinceau final vient d'être donné. La touche à encadrer. La meuf, elle m'écoute pas. Elle ne regarde pas, elle ne parle pas aux gens parce qu'elle regarde des clips d'elle-même sur son téléphone portable. C'est ma championne du monde, Aya Nakamura. Championne du monde. J'ai jamais vu ça. J'en ai vu des melons, hein. Mais ça, j'ai jamais vu. Hein. Ce qui est ouf, c'est qu'on a tous capté. Ah, mais bah oui. J'en ai déjà vu des gens qui ont un ego. On a tous halluciné. Ça, ne parler à personne pour dire. Excuse-moi, je regarde un clip de moi-même. Je me regarde. Je regarde Jaja parce que j'ai jamais vu. C'est moi, ça. Je suis bonasse. Ouais, dans le clip, en tout cas. Bon, on a un message de David. Bonjour Koé. Je voudrais savoir s'il y a eu des conséquences, des dégâts ou des problèmes techniques lorsque vous avez mis les feux d'artifice dans le studio avec David Guetta. Ah bah putain, oui. Alors, des conséquences. Ah, oui. Alors oui et non, oui. C'était quand même bien maîtrisé, il y avait des professionnels, des engueulades avec la sécu, on l'a évité de peu. Et j'ai brûlé le plafond. Donc pour bah, ceux ça qui se voit toujours. Si vous venez nous voir, vous pouvez. Voilà, y a le plafond est brûlé. C'est des dalles qui ne coûtent pas très cher, donc ça a légèrement gueulé. Mais pas tant que ça. Elsa dit bonjour Koé, je suis curieux, je voudrais connaître votre meilleure et pire rencontre de cette première partie de saison sur Énergie. Bon alors on vient de répondre directement. Voilà. La meilleure Jennifer. Oh non, il y en a eu plein. Jennifer, on l'aime beaucoup. David Guetta quand il était venu ici, ouais. Parce qu'il était en mode super. Mais il y a plein de gens qu'on aime beaucoup, il y a plein de copains. En fait, tous les gens qui viennent ici, généralement ils s'éclatent comme des dingues, que ce soit Big Flo Yoli évidemment, je pense à l'humoriste Aidez-moi qui est venu nous voir, que j'adore. Ahmed Silla, voilà, on a que des gens qui s'éclatent là à chaque fois, et ça c'est bien. Message de Didier Koé, rassure-moi, le public de ton émission fait exprès de ne pas connaître la Marseillaise, ou alors ils sont vraiment incultes. Alors il se trouve que les soirs où notre micro s'est baladé, visiblement ils la connaissaient pas du tout, mais je vais défendre un peu les auditeurs, oui. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont un doute. Et ouais. Quand le micro arrive, ils ont peur d'avoir l'air bête. Mais donc ils disent je ne sais pas, alors qu'ils la connaissent. Mais t'as la pression pas de risque. Voilà, je les aide un peu. Non, je le dis parce que quand le micro arrive sur toi et que t'es pas habitué et que t'as un doute sur la chanson, tu dis non, je le dis pas. Et puis c'est impressionnant quand même. Tiens, on va vérifier tout de suite avec le public. Alors attention, on commence la Marseillaise. J'aurai d'autres messages tout à l'heure. On commence la Marseillaise et dès que je dis suivant, on enchaîne. Mademoiselle, 3, 4. Alors je dis un message. Le micro arrive sur vous. Vous continuez. Même si vous n'êtes pas sûr des paroles, vous dites ce qui vous vient en tête, c'est important. Mais quoi qu'il se passe, vous continuez. Sinon, la sanction sera terrible. Je vous exclus du studio une heure avant l'arrivée de Jennifer. Ce qui est absolument terrible d'être venu de si loin, d'avoir horrible. Attendu dans le froid, sous la pluie, et de ne pas voir sa star. Je ne voudrais pas en arriver là. Attention, on y va. Mais je chante pas, je peux parler. Si, tu chantes. Non, tu n'as pas du tout. Pas commencé à négocier, grand corps malade. Non, mais non, ok. Allez. À nos enfants de la patrie. À nos enfants, c'est les tiens. Donc, c'est les tiens. Ah oui. Ah, t'as cru que c'était à nos enfants. Bingo. Bingo. Allez, on démarre. Allez. Allez, on prend. Allons enfants de la patrie. Allez, on enchaîne. Le jour de gloire est arrivé. À côté. Entre nous de la tyrannie. La tyrannie. À nos enfants. Entre nous. Je vais vous dire un truc. Entre nous. Entre nous, la tyrannie. Je reste entre nous. C'est terminé. J'ai beaucoup changé. Entre nous. À nos enfants. Contre nous. On reprend. Contre nous. Contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant est levé. À côté. L'étendard sanglant est levé. Continue pour la peine. Continue. Entendez-vous dans nos campagnes. Allez. Elle danse en même temps. Rugir, féroce lion. Bah oui, il y a des lions qui rugissent. Et à côté, féroce soldat. Qui viennent jusque dans nos bras. Oui. On continue. Ensuite, derrière. Égorger nos fils et nos compagnes. Allez, à côté. Aux armes et les citoyens. Les citoyens. Allez mademoiselle, on y va, sinon tu sors. On y va, ouais, sinon... Non, Fares, non. Il veut toi. Je vois ton cul, pousse-toi, je veux ton aide. Attends, je fais le tour. Je te veux toi. J'ai prévenu avant, la porte est là-bas. Krakos, c'est le retour. Krakos, l'animateur qui craque. J'adore. Mon bataillon. Je connais pas. Eh ben tu... Allez, va dégager. Marchons. Ah, tu la reprends pour la peine. Tu l'as vu, allez hop. Allez, tu la reprends. Moi ? Allons. Allez. De la batterie. C'est le quatrième Beatles, c'est l'enfant de la batterie. Bien sûr, Ringo Starr, tout ça, je connais. Reste avec nous, on est sur Énergie. J'espère que tout va bien. Dans un instant, l'appel jeu de mots. Les matins avec Manu dans le 6-9 sur Énergie, c'est comme ça. C'est le livre le plus offert à Noël, la Bible. Ah ouais. C'est dingue, hein. D'accord. C'est chelou. C'est chelou, c'est celui qui est le plus offert à Noël. Ouais, ouais. Maintenant, si vous avez un enfant qui vous demande une PS4 que vous lui filez la Bible, ouais. C'est ça, c'est compliqué. T'sais, il va chercher la manette, il va pas comprendre. Hein. Il va dire, ça c'est le mode d'emploi. Manu dans le 6-9. Manu. Et ouin ouin. Tous les matins, 6h, 9h30 sur Énergie. Chers voyageurs, on approche tous ensemble de Noël et on se faufile dans la vallée des forfaits mobiles. Couvrez-vous, hein ! Ici, les prix descendent à 0€. Ah oui, 0€, c'est la magie de Noël. Et ça fait surtout chaud au cœur. Oui, oui.

leaving me behind. I didn't wanna catch a feeling. Hoping I see your face again. And now, ladies and gentlemen, c'est vendredi soir, merci de nous avoir choisi. Je vous souhaite vraiment, on aura le temps de se le dire tout à l'heure, mais je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Si vous êtes sur la route parce que vous partez en week-end, parce que c'est les vacances scolaires aussi, parce que vous allez rejoindre votre famille, soyez prudents parce que je voudrais vraiment vous retrouver tous en un morceau. On a beaucoup parlé de Sam, mais c'est très important. Le soir de Noël, peut-être un petit peu moins, mais surtout le 31. Ouais, surtout 31. Vous êtes nombreux à boire et en province à prendre la voiture. Alors dans les grandes villes, il y a les trams, il y a les bus, il y a tout ça, mais en province, bah voilà, faut prendre sa voiture quand on habite dans une petite ville. Ne buvez pas, faites-moi plaisir parce que j'ai pas envie de vous perdre. Voilà, tout simplement. Vous nous écoutiez avec une jambe en moins, vous verrez, c'est moins pratique. Vous écoutez de la même façon, mais c'est moins cool quelque part. Donc je voudrais vous retrouver en un morceau. Donc vraiment, c'est très important. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et puis j'espère que vous allez passer un bon Noël. Vous allez profiter, que vous allez kiffer vos cadeaux, que vous allez kiffer ces petits moments. Je sais que je déconne beaucoup et je vanne beaucoup en disant que c'est chiant d'être avec sa famille, etc. Mais quand même, c'est des moments où il faut en profiter. Parce qu'après, quand on n'a plus les gens, on regrette, on dit ah, j'aurais peut-être dû, j'avais peut-être dû. C'est la chanson de Kinvé un peu. Oui. Je courais et tout. Voilà. Des fois, on va un petit peu vite et voilà. Donc, profitez vraiment de votre famille, de vos amis. Et voilà, Jeff, toi, tu vas être chez beau papa et belle maman. Oui. Profites-en. Je kiffe, moi. Ouais, mais oui, tu kiffes, il kiffe. C'est vrai. J'aime bien. Oui, j'aime bien. On mange bien en plus. Ah bah oui, il aime bien, il aime bien, il aime bien. Miko, t'es chez ta sœur. Je suis chez ma sœur, en famille. Tu es chez mes grands-parents. D'accord. Chez ma tante. Michette. Chez ma tante. Chez ma tante, chez ma tante. Chez tata. D'accord, en Bretagne. Chez tata Bigouden. Chez Tipiak. Chez tata Crêpe, ouais. Pirate. Chez tata Crêpe. Chez tata Crêpe. D'accord, en Bretagne, Bordas. Moi, chez papa et maman. Chez papa et maman, très bien. Et bah, en tout cas, profitez bien de tout ça. Pour l'instant, nous allons tenter l'appel jeu de mots. Combien de noms? Très simple. 9. Je sais pas si. Je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas si c'est parce que ça sent la sobriété ou la fatigue avant les vacances, mais il n'y en a que deux. Okay. Ben, parfois, ça marche avec deux. Hein. Nous allons appeler quelqu'un. Alors, nous avons monsieur Mas. Monsieur Mas. Voilà. Ça s'appelle Christophe. Mais je vais l'appeler Chris. S'il répond. Allô. Allô. Allô, monsieur Mas. Oui. Chris. Christopher, oui. Christopher, voilà. Bon, je peux vous appeler Chris. Oui, c'est qui? C'est Coé à l'appareil, on est sur Énergie. D'abord, joyeux Noël, voilà. On voulait vous le dire avec un peu d'avance. Ah, c'est... C'est Coé, ouais. Et je voulais vous... Bonjour. Ah, Chambé. On m'appelle aussi Chambé, oui, c'est bon. Bonjour Chambé. C'est Coé Chambé. Et donc, salut Chris. Et donc, je voudrais vous présenter quelqu'un et comme ça la fête sera comblée. Vous êtes prêts? Oui. Alors ne bougez pas, je vous présente une demoiselle en plus, vous allez être content. On est en train de l'appeler. Alors, allô? Marie, bonjour. Bonjour. Bonjour Marie, c'est Coé, on est sur Énergie, vous allez bien? Oui. Marie, je vous présente Christmas. Non. Allô? Oui. Marie, Christmas. Oh, oh, oh! Marie, Christmas! Merry Christmas! I give you my heart! And a raining and spray! And a billion away! Pretty! And a pretty condition! And pretty love from Don Smith! And Marie, Christmas avec moi! Merry Christmas! I give a beautiful play and a skinny moray. Skibbley. A lot like stupid on a bit Diana Kamura. Hey, il disait ça dans la chanson de Sophie Chorterose. Joyeux Noël, les deux, je vous embrasse. Restez avec vous sur Énergie. Bisous, bisous, Chris. Bisous, Marie. À bientôt. Et ho, ho, ho. Salut, Chambé. Marie Christmas. 17h, 20h. Qui C'est Koé sur Énergie. Ah, une promo, hein, tu vois, une vanne, une promo. Allez, on est parti. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt. Mais je l'avais fait pour toi. Mais il est coincé sous la fausse neige. Il y a de la je la supporte plus. Il me fait chier, ça. Ah moi aussi. On en a partout de la fausse neige. Ah, mais vivement que ça s'arrête, les guirlandes moches, la fausse neige, le porte-gobelet en chaussures de Père Noël. Mais tout au début ça. D'émission, t'as dit super, t'as la super déco. Non, génial. Vous savez ce que j'aime? J'aime le truc à barbe à papa et j'aime le truc à popcorn. Parce que je trouve que les objets sont très beaux. Et je remercie les gens du monde forain de l'avoir prêté. La machine à popcorn, je la trouve très belle. Eh ouais, ça fait surtout très Noël. Non, mais. Oh, tu la joies. Non, mais entre les guirlandes et la machine à popcorn. Tiens, tu la joies. Ça fait, il y en a un qui fait moins Noël que l'autre. Mais non quoi, mais quoi. C'est la fête. Non, mais on mange pas de popcorn à Noël. Il déteste la déco Noël, mais il adore le truc des. Non, j'aime bien la déco Noël. J'adore la déco Noël. Mais celle de ce studio, entre ce truc blanc qui accroche les pulls, la fausse neige qui dégringole et qui est pas accrochée au plafond depuis deux jours. C'est dégueulasse. Les bombes qu'il y a sur les vitrines, que j'ai l'impression d'être à la cantine scolaire quand les nanas te font les pochoirs sur les vitres. Ah, les champignons. Alors ça, j'ai pas compris. Les cloches. Alors c'est papa qui ils m'ont mis des cloches au plafond. Et papa, en papier crépon. Ah, en papier crépon, j'avais oublié ce nom. À l'ancienne. Papier crépon. Tu veux une barbe à papa? Vous êtes prêts? Comment? Tu veux une barbe à papa? Non, je n'aime pas ça. Bon, ça sert, mais il adore la machine. Mais il a raison, je trouve que c'est très beau. Ouais. Mais je préfère la machine à popcorn. D'accord. Je vais vous la mettre en photo sur mon Insta. Je trouve que la machine à popcorn est magnifique. Et du coup, en déco. Non, mais je trouve que si j'avais un grand séjour, tu mets ça dedans, tu vois, c'est un côté sympa. Ouais. Bon, tu payes 800 kilos après, mais à la fin de l'année, mais je trouve ça très beau. On va jouer avec, attention, spécial les enfants de la vérité. Nous avons l'INSEE qui est en ligne avec nous, qui a 8 ans. Comment ça va, l'INSEE? Très Ça va, ma petite chérie? Oui. Est-ce que tu as été sage cette année? Oui. Oui? Oui, un petit peu ou oui, beaucoup? Un petit peu. Un petit peu. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui. Oui, comment ils s'appellent? Ligne A, ligne B. Mon petit frère, il s'appelle Tyler, et mon grand frère, il s'appelle Dylan. D'accord. Miko, elle s'appelle pas ligne C, elle s'appelle ligne C. Ah ouais, c'est pas comme le RER. Non, sinon elle serait souvent en travaux, elle nous parlerait pas. Non, mais je dirais ligne C, ça va. Suite à un problème de perturbation. La ligne C. Mais non. Et est-ce qu'elle fait des sondages? Pourquoi? Ligne C. Vous avez fini? Oh les lourds, c'est la fin de l'année, on déstocke les vannes là. Ligne C, tu habites où, ligne C? À la ville Dieu. C'est où la ville Dieu? C'est où? En Ardèche. D'accord. Alors écoute-moi bien. Je vais te poser des questions que j'ai déjà posées à tes parents. Si jamais tu réponds bien, qu'est-ce qu'elle gagne, Stouff? Une Google Home. Oui. Comme ça, tu pourras lui parler, tu diras, mets-moi de la musique, oui, etc. Mets-moi énergie. Tu passeras à côté, tu diras, mets-moi énergie, elle te mettra énergie. D'accord. Et si jamais tu demandes une autre radio, elle te mettra une énorme gifle, comme ça, la main sortira. Et elle remettra énergie. Attention, ma belle, on y va, c'est parti. Première question. Qui ramène le plus d'argent à la maison, papa ou maman? Papa, il fait quoi comme métier, papa? Il fait les routes. C'est marrant, ça. C'est grâce à ton papa qu'il y a des routes, alors? Oui. C'est génial, ça. Deuxième question. Quelle est ta mamie préférée? La mamie du côté de ton papa ou la mamie du côté de ta maman? La mamie du côté de ma maman. Oh, pourquoi du côté de ton papa, elle est pas... Elle pique. Hein? Elle est gentille, mais sauf qu'elle a du joint et... Elle a des joints. Tu la vois moins? On va souvent et du côté de ma mamie, et du côté de ma maman, on habite à côté de chez elle et on la voit très beaucoup. Très beaucoup. On les voit trop beaucoup même des fois, les gens qui habitent à côté. Troisième question, demandera à la personne à côté de toi de souffler moins fort, merci. Lindsay, troisième question, quel est le principal sujet de dispute entre tes parents? Pour eux. Pourquoi? Attends, j'ai compris, dit maman. Pourquoi ils se disputent? Pour des fois les devoirs. Ouais, parce qu'ils sont pas faits. Oui. Je la valide pas celle-là, ça a été trop soufflé. Lindsay, attention, si tu n'as pas bon à la prochaine réponse, tu ne gagnes pas, Lindsay. Tu es prête? Oui. Lequel de tes parents fait le plus de proutes? Papa? Comment? Papa. C'est papa, c'est clair. Elle n'a même pas entendu la fin de la question. Direct, c'est papa. C'est pas maman, parce que les mamans ne font pas de proutes. Non. C'est ça, hein, c'est les princesses. Les princesses n'en font pas. Lindsay, c'est gagné, ma chérie. Oh. Joyeux. Lindsay, je te fais un gros bisou, je te souhaite un joyeux Noël. Merci. Tu as demandé quoi au Père Noël? Des faux ongles. Des faux ongles? Du vernis. Du vernis et des faux ongles? C'est pas un peu tôt? Des vernis et des faux ongles à 8 ans? C'est un petit peu tôt, non, des faux ongles? Kardashian. Et Louboutin. Un faux cucu. Je te fais un bisou, Lindsay, je t'embrasse, bisous, ma chérie. Lindsay. Joyeux Noël. Bisous, ma belle, à bientôt. Tout à l'heure, Jennifer sera notre invitée. Au revoir. Bisous. Au revoir, Jennifer. À très bientôt. Elle est mignonne comme tout. C'était Lindsay. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent des larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent, moi ma main je l'attends. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la scène et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la scène, nous tournerons elles sont heureuses, parfois elles sont si seules. Quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Seules qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent. Moi ta main, je l'attends. Donne-moi ta main, gamin. J'étais perdu, tu sais, comme toi, dans la peine. J'ai attendu que l'on prenne la mienne d'une main tendue. Tu sais, on peut faire des chaînes. Et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main. Jennifer sera là dans quelques minutes. Elle sera notre invitée. Et encore. C'est le nouveau single, c'est le 8e album hein, déjà de Jennifer. C'est déjà beau, hein. Ah ouais, c'est ça, passe. 8e album, allez, ouais. C'est les fans. Ouais, je me trompe pas. Elle chante pas. Hein. Ah oui, mais elle cartonne Jennifer. Il y aura toute une tournée, on en parlera avec elle tout à l'heure. Mais voici une petite annonce. Recherchons pour le soir de Noël, pour le 24 au soir, un Père Noël. Alors, je peux gérer. J'ai juste pas la ville. Ah, merci beaucoup, mon ami, que je me prépare un petit peu. Prestation à Cormeilles en Parisie. Très bien. Ouais, c'est encore la Nice. Pas loin. Bon, donc Cormeilles en Parisie. Alors mais aujourd'hui. T'es toujours porté sur la bouteille ? Ouais, aujourd'hui, je suis un Père Noël alcoolique. D'accord. C'est pour se réchauffer, quoi. C'est-à-dire que. Ah, c'est je... ça, parce qu'il fait froid. Ouais, je veux bien jouer le rôle de Père Noël, mais bon, j'ai un peu. Voilà, s'il y a du. J'ai un peu pas. Ah, s'il y a de la jaja. Oh, jaja. Y'a pas moyen, jaja. Attention. Ça va sonner ? Ça va sonner. Oui, ça n'empêche que tu aimes les enfants. Bien. Ah oui, allô ? Oui. Oui, bonsoir monsieur, bonjour, je vous appelle bonsoir. Parce que j'ai vu l'annonce comme quoi vous recherchez un Père Noël pour le soir du 24. Oui, merci de m'appeler. Oui. Voilà, eh bien, écoutez, il se trouve que je suis disponible, je fais Père Noël depuis 20 ans d'expérience déjà. Oui. Voilà, en tant que Père Noël, je lui ressemble. Dès que je mets la barbe, je suis pareil, un gros barbu, les cheveux blancs, le nez, voilà. Bah, parfait, écoute, c'est ce qu'on recherche. Nous, on a des enfants, ils veulent voir le Père Noël, donc c'est parfait. Alors, c'est payé juste comme ça, on en parle tout de suite. C'est combien à peu près la prestation ? Bah, pourquoi vous demandez ? Enfin, je sais pas, moi j'avais pensé à 100 euros pour la soirée. Ah, écoutez, oui, il faut rester combien de temps ? Je sais pas, une petite demi-heure. C'est très bien, c'est très très bien, 100 euros, une demi-heure. Écoutez, je valide, j'avais plus prévu de vous demander 70, mais voilà. Vous avez le costume. Ah ouais, absolument, bien sûr, oui. J'ai, ah j'ai... bah voilà. Alors, moment, mais voilà. Alors comment, pour le cadeau, comment voulez-vous qu'on s'organise ? Vous me les donnez avant, je rentre avant, comment ça se passe ? Oui, ben, vous avez mon numéro, vous m'appelez lorsque vous n'êtes pas loin, et puis moi, je sors discrètement. Je donnerai les cadeaux. Voilà. Discrètement, c'est ça que je voulais voilà, dire. Voilà, discrètement. Ouais. Alors, par contre, j'ai plus de. Comment ? Je pense que oui, on s'entend comme ça, c'est parfait. Ouais, mais parce que j'ai l'habitude, vous savez, je fais ça depuis 20 ans, je vous l'ai déjà dit. On dirait, oui. Par contre, voilà, j'ai un petit problème parce que je n'ai actuellement plus de permis. Une sombre histoire de sortie de bar, voilà. Mais vous inquiétez pas, j'ai donc une voiturette sans permis, mais je peux pas trop la charger au niveau de serre. Je peux pas venir avec les cadeaux, c'est ça que je veux dire. Non, bah vous venez devant l'appartement et puis et je vous donnerai des cadeaux à ce moment-là. Alors, comme il va faire un petit froid, j'ai rien contre un petit vin chaud en arrivant. Évidemment, vous vous invitez à l'apéro. Ah, c'est gentil. Ou un petit whisky chaud ou un cognac chaud. Donc, à l'apéro, oui, voilà. Voilà, de l'apéro, mais voilà, chaud. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et si ça se passe bien entre nous, je reste avec vous, ce sera convivial. Si je suis pas trop serré, j'ai une petite demi-heure large, on se fait un petit apéro ensemble. Avec le Père Noël, on boit un petit coup. Peut-être pas. C'est-à-dire que l'idée, c'est que c'est pas que Père Noël, il reste une heure. Mais 45 minutes, on s'en jette un petit derrière le. Hein? Derrière le paletot, et puis Père Noël, il repart, et voilà. C'est-à-dire, s'il y a une bonne ambiance, vous voyez, sans j'éteins, oui, là, je vous dis, c'est je suis sur le rocher, tu m'en mets un autre. On n'est pas dans un bar, là. Non, mais à la tienne, à la mienne, on est un peu, voilà, comme ça, et puis voilà, mais convivialité, vous voyez ce que je veux dire, à Noël, quoi. Oui, convivialité, j'entends, mais voilà. Faut pas non plus... Enfin, là, vous commencez à me faire peur, là. Non, alors, par contre, j'ai oublié de demander, dans les cadeaux, il n'y a pas de choses qui cassent, il n'y a pas de bouteilles dans les cadeaux que... C'est des enfants, donc je pense pas que quelqu'un pense à ramener voilà. des bouteilles. Non, mais parce que je dis, parce que des fois, on est là, on prend un paquet, le paquet, il tombe, il y a de la casse, après, vous direz, il en manque une, et puis, bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas grave. Je suis pas sûr que je suis emballé en fait. Hein. Non, vous inquiétez pas, vous avez rien à craindre. Il y a des chocolats, mon chéri, dedans, non? Parce que j'ai une petite préférence pour les mon chéri. Parce que les escargots de l'Anvin, ça m'intéresse pas, mais les mon chéri, moi je suis... C'est-à-dire, vous venez pour faire le Père Noël ou moi je suis ce que là, c'est un chocolat, buffet, je m'en fous. Comment vous venez pour le Père Noël ou vous participez au buffet? Je trouve cela normal que vous récompensiez le Père Noël. Je vous récompense déjà en vous payant. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Oui, bien sûr, mais bon, là, c'est Noël, c'est convivial. Non, mais c'est quoi? Je pense qu'on va. Et je vais vous dire un truc, et ça, je le dis pas à tout le monde. À partir de 4 verres, je fais la bite qui fume. La bite qui fume, je l'ai fait au repas de tonton Jean-Claude. Ça étonne tout le monde. Et je fais aussi Serge Gainsbourg. Je mets une clope au bout de ma tête. J'en ai un autre de Père Noël. Et je mets des lunettes au-dessus et je fais Serge Gainsbourg. Voilà. Allez, bonne journée. Et voilà, vous voulez pas? Ok, bah tant pis pour moi, je le garde. Il a bloqué sur la vidéo. Il a un Père Noël convivial, mais il bloque. Allez, tout de suite, on y va, jingle. 17h20. C'est Coé sur Énergie. Yeah. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Uh-huh. Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tus ojos me concentran como Adderall. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de girar. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo nada más. Dile que tú eres mía desde la high. El yerno favorito de tu Mike. El coco que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile a tu bobo que dejen de darte like. Mía, tú misma lo decías cuando yo te lo hacía.

Mais à Noël avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du sport à tout moment sur MyCanal. Retrouvez 100% de la saison 2018-2019 Ligue 1 Conforama sur Canal+, Canal+ Sport et Bein Sport. La Coupe du Monde de ski alpin et l'Open d'Australie sur Eurosport. Découvrez nos offres à partir de 19,90€ par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr. Vous avez 66 millions de nouveaux messages. Bonjour, c'est Discount, c'est Rémi. J'aimerais une PlayStation 4, un bateau. Un casque audio, une machine expresso, un smartphone, une paire de baskets. Profitez dès maintenant des prix cadeaux sur Cdiscount. Et bien sûr, la livraison est gratuite et garantie avant Noël. Merci, Cdiscount. Cdiscount, n'économisez pas votre plaisir. Voir conditions sur le site Cdiscount. Plus que quelques jours pour trouver vos cadeaux de Noël. Alors comme par magie, la Halle vous simplifie la vie et vous offre 6 jours vraiment magiques. Jusqu'au 24 décembre, même le dimanche, à la Halle, votre deuxième article est à moins 50% sur tous les vêtements et chaussures. Vite, moins 50%, c'est vraiment magique. La Halle, c'est vraiment vous. Conditions au magasin et sur lahalle.com. Nocibé. Envie de gagner du temps pour vos cadeaux de Noël? Avec le nouveau service coursier chez Nocibé, faites-vous livrer en 2 heures et où vous voulez, dans plus de 20 grandes villes en France. Oui, en 2 heures seulement et par coursier. Rendez-vous vite en magasin et sur nocibé.fr pour des offres exceptionnelles à tous les prix. Nocibé, la beauté libérée. Conditions, liste des villes et magasins participants sur nocibé.fr. Bonjour les amis, c'est Norbert. Cette année avec Leader Price, je vous ai préparé un menu de fête exceptionnel et sans se ruiner à moins de 5 euros par personne. En entrée, des feuilletés de Saint-Jacques, suivis d'un délicieux rôti de canette. Et pour finir, ma fameuse bûche au chocolat du Pérou, Stracciatella. Ha ha ! À moins de 5 euros par personne, les amis, faut pas se priver. Alors, joyeuse fête avec Leader Price. Jusqu'au 24 décembre 2018, menu à moins de 5 euros sur la base de 6 personnes. Détails du calcul sur leaderprice.fr. C'est bientôt Noël. Dépêchez-vous de trouver le cadeau idéal. Avec Groupon, vivez les fêtes en économisant sur une foule de bons plans, d'expériences et de cadeaux à offrir à vos proches. Téléchargez l'appli gratuite Groupon dès maintenant pour découvrir nos offres beauté, bien-être, restaurant, loisirs et sorties. Offrez des expériences près de chez vous et donnez du sens à l'esprit de Noël. Avec Groupon, c'est cadeau. Vite, téléchargez l'appli gratuite et économisez. 17h-20h, Noël, c'est le moment où les rues s'illuminent, tout devient beau, même Koé et son équipe. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. J'ai les cadeaux de Noël, j'ai les cadeaux de Noël, dans quelques minutes c'est Jennifer qui sera là. Ça c'est un autre cadeau de Noël, on va finir l'émission avec elle. Mais avant d'avoir Jennifer, je voudrais juste vous dire que j'ai décompilé Energy Christmas Hits 2018 avec dedans, il y a quoi? Ariana Grande, Gigi D'Agostino, Shawn Mendes, Luan, Kenji Girac, Big Flo, Yoli, Jane. Christmas Hits 2018. Oui, Georges Ezra et tout, donc il y a tout dedans, ok? Ouais, mais pour cela, le public, il va falloir jouer avec moi. C'est la période des films pourris de Noël. Ouais. Et oui, vous allez en bouffer pendant 15 jours sur TF1, sur M6, sans oublier Sister, TMC, Teva, TV Braise. Teva. Voilà, alors voilà, oh là là, ça va être bien, bien, bien. Chérie 25. W9. Kidia. Je vous assure, il y a des matins, je crois que le matin vers 11h, il y en a, mais de partout. Ah ouais. Partout, je crois. Ça me même déprime. C8, ils vont faire Baba et le Père Noël. Il va y avoir des films. Baba Noël. Avec Hanouna qui passe derrière, vite fait. Bon, on va jouer, mademoiselle. Micro, pas branché. À nos enfants. Micro est branché. Allez, hey, oh, bouge-toi là. Bah, il faut que je dise quoi? Bah, réponds. Micro est branché, oui, bonjour. Ça oui, va, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Première question, tu me dis si ça existe ou pas. Le plus beau Noël de ma vie. Oui. Ça existe. Cadeau, tu peux donner. Allez, on y va, on fait la chaîne de la solidarité et du CD, on est parti. Marc Emmanuel. Le deuxième à côté. Tout on a échangé nos Noëls, est-ce que ça existe ou pas? Oui. Oui, ça existe. Cadeau, allez hop, on y va, on enchaîne, on passe à côté. Le prénom à côté? Manon. Manon. Maintenant, une romance en pain d'épices. Est-ce que c'est un film qui va passer? Non, et bah si, tant pis pour toi. On va derrière, on change un peu. Derrière, deuxième rang, ton prénom? Brésilia. Brésilia? Oui. Ok. Ça sent le sapin pour Noël, vrai ou faux film? Vrai. Eh ben non, c'est faux, ça sent le sapin. Ça sent le sapin pour Noël. Mais non, à côté, micro à côté. Quatre Noël et un enterrement? Oui. Oui, ça existe. Allez, bim, c'est des cadeaux, on va à côté. Les ballerines de Noël, vrai ou faux film? Oui. Oui, c'est bon, ça existe. On va à côté. Le Père Noël fait du ski, vrai ou faux film? Faux. Absolument, faux film, du CD aussi, on y va. À côté, nous avons le prénom?

Ok. Voilà, pour ceux qui veulent se prendre une petite pause avant que papy mamie arrive, on se fait un petit truc d'une demi-heure. Posez les questions que vous voulez, vous direz ce que vous voulez, voilà et tout. Puis ça occupera avant Noël. Oh non. Oh non, coucou. Oh, voici, je suis seule le 24 au soir. Mais on t'a tous proposé de venir, hein. Non, d'abord, vous ne m'avez pas tous proposé. Ah, je t'ai proposé, moi. Oui, bah, Bordas t'a proposé. Bon, Bordas, il propose lourdement de venir. À quel point c'est inquiétant. Vas-y. Il m'a pas proposé de venir chez sa sœur. Non. Non, je propose pas, non. Jeff, t'as même pas proposé de venir chez ses beaux-parents. C'est un tout petit appartement. Ici, ils vivent dans un F2 tout petit. Je me vexe, moi, hein. Quoi? Il y a que lui qui t'a proposé, tu dis non. Sérieux? Tu demandes à tout le monde et moi je veux pas. Non. Fares, tu m'invites? Moi je fais pas Noël. Tu fais pas Noël et tu t'allumes pas ton micro. Mais tu peux venir quand même. C'est vrai? Bah oui. C'est gentil. Avec plaisir. Mais j'y crois pas. On peut faire un ciné si tu veux. C'est vrai? Ouais. Le soir de Noël? Ouais. Mais non, tu vas pas faire un ciné le soir de Noël. Mais si, on le fera le lendemain le Noël, je sais pas quand. Je suis con. Donc quoi, c'est le 25. Mais j'ai jamais su, c'est on le fêtait le 24 mais, ou le 25. Mais c'est le 24. Mais toi, tu le fêtes pour les enfants, tu le fêtes pas religieusement. Oui. En théorie, c'est le 24. Les enfants aiment bien le 24 au soir. D'accord. C'est ça qui les fait kiffer parce qu'ils disent que le Père Noël va arriver dans la nuit. Ah oui. Oui, c'est le délire du truc. Ouais. Voilà. Mais en attendant, vous savez qu'il y a Georges Brassens que nous vous avons présenté depuis quelques temps. Absolument. Qui est le sosie pas officiel de Georges Brassens. Ah, c'est le sosie vocal. Voilà. Et donc, le but du jeu, c'est qu'on appelle. Il y a une salle de spectacle qui s'appelle Georges Brassens. Comme d'habitude, il y en a plein en France. Hein. On a envie de se proposer. La guitare est-elle accordée? Oh. Pas mal. Oh. Ah, mieux qu'en spectacle. Plus accordé que pendant le One Man de Coco. C'est vrai. Parce que pendant mon One Man, il c'est pas vrai. Il est un peu de côté. Tu joues tout seul, tiens, Lille. Refais-le, Jeff. Parce qu'on chante dans le spectacle. Ah oui. Non, je suis très étonné. On appelle. Attention, c'est parti. Je suis donc. Tu veux que je. Ouais, j'ai un accessoire. Tu veux une moustache champagne? Je mets une moustache champagne. Ah bah oui. Ça change tout. Georges Brassens de Noël. Georges Brassens. Allô? Salle Georges Brassens, Coralie, bonjour. Bonjour Coralie de la salle Georges Brassens. Voilà, je me permets de vous appeler. Je suis Georges Brassens. Oui. Sosie officielle et vocale, comme vous l'avez peut-être entendu, de Georges Brassens. Oui. Voilà, et donc au-delà du sosie, je pense être la réincarnation totale de feu Georges Brassens. Et donc, j'ai écrit un spectacle de Noël que je voudrais vous proposer. Et je fais le tour des salles de spectacle pour proposer ce spectacle de Noël pour les petits et les grands, pour rechanter la famille. D'accord. Mais là, en tout cas, pour ce Noël-là, tout est complet déjà, oui, monsieur. Mais éventuellement, est-ce que vous pensez que je suis dans les temps pour Noël de l'année prochaine ou éventuellement, si vous avez un désistement, pour la semaine prochaine, vous voyez ? On ne sait jamais. Peut-être qu'un artiste ne vient pas. Vous vous dites, tiens, je ne sais pas quoi faire. Hop, j'appelle Georges Brassens. Alors ça m'étonnerait. Puis en l'occurrence, on fait surtout des choses pour les associations, les représentations, eh bien, les théâtres, les spectacles de danse. Alors je fais également, je peux danser éventuellement. Je vais vous montrer, c'est en trois petits couplets, je vous fais une démonstration, vous me dites si vous aimez. Démonstration de Noël. Attention. Le micro, peut-être le brancher, peut-être allumé. On y va, c'est parti. Attention, c'est pour vous. Corinne, c'est ça votre prénom? Coralie. C'est ce que je pensais, écoutez bien. Spectacle de Noël, Georges Brassens. À Bethléem, il y a 2000 ans, un tout petit bonhomme est né, à la surprise de ses parents, qui n'avaient pas encore couché. Voilà la surprise. Alors ? Oui, alors, tout le respect que j'ai pour vous, j'aime beaucoup Georges Brassens, mais là, en l'occurrence, pour les enfants, un spectacle de Noël, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Ah bon, j'aurais lu d'autres sinon. Il y avait aussi les Attendez, je ne me coupez pas, s'il vous plaît. Il y avait aussi les trois rois mages, Gaspar, Melchior et Balthazar, qui sont venus en covoiturage et partis en blablacar, pas en taxi. Voilà. C'est très gentil, mais je crois que ça ne va pas le faire, monsieur. Là. J'ai d'autres personnes qui sont en attente. Je vous fais le clou du spectacle. Ça, c'est la chanson de Saint. Écoutez bien, celle-là, elle va vous plaire. C'était l'histoire du petit Jésus. Gravez bien ça dans vos mémoires. Le Père Noël, c'est un faux cul. Il a rien à foutre dans cette histoire. Qu'on se le dise. Tu en veux de mon spectacle? D'accord, bah écoutez monsieur, je vous invite à me rappeler l'année prochaine et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. Ok, joyeux Noël Thérèse. À bientôt. 17h-20h. C'est Coé sur Énergie. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. This room. let go, come on. Escucha como digo tu nombre. Desde Medellín hasta Londres. Cuando te llamo la mala responde. No pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta. Una adicción que sabes controlar. Y te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, I am dying to believe you. C'est Coé sur Énergie. Tout à l'heure. Fébrile. Ça y est, on les entend plus. Ça y est. Elle arrive dans quelques minutes. On ne les entend plus. Depuis tout à l'heure, ils chantent. Voilà. Jennifer sera notre invitée d'ici quelques minutes. Est-ce que toute l'équipe est en forme? Oui. Merci à vous tous pour tous vos gentils messages. Je savais que ça va me faire tout bizarre. Je vais être honnête avec vous. Ça va me faire tout bizarre de ne plus faire d'émission la semaine prochaine et d'être un peu en repos. Ça va être calme. Mais vraiment. Il va manquer quelque chose. Mais oui, parce que j'ai pris l'habitude de d'être là tous les jours et j'ai des conneries qui me viennent. Et je dis, ah, je suis content de vous retrouver. Oui, mais ça va reposer. J'arrive au bureau comme un gamin. Oui, mais déjà le week-end, ça fait bizarre hein, quand on se voit. Mais plus. Moi, si ça tenait qu'à moi, je ferais tous les jours. Je sais que c'est fatigant, que c'est machin et tout. Tous les jours. Bah déjà, je suis là samedi pour Extravadence. Vous voyez, je grignote, hein, je commence à faire mon Cyril Hanouna. Je commence à prendre un petit peu là. Petit à petit. Ah bah bientôt il y aura Coco en Laponie, voilà. Le Noël de Coco. Il y a Baba ici, il y a Coco. Hein, le Coco chaud. Voilà. Sébastien, ça va, Seb? Salut, Sébastien. Bienvenue dans le Coé en charge, mon ami. Je vais devoir annoncer quelque chose à quelqu'un que tu n'oses pas dire. Alors, à qui et quoi? Alors, c'est ma petite femme. J'attends en fait tous les avant chaque événement comme les anniversaires, les fêtes de Noël, etc., etc. À chaque fois en fait, je lui achète, j'attends les soldes pour donc lui acheter ses cadeaux. Et je prends en fait des cadeaux dont je sais qu'ils vont pas lui plaire. Et j'attends en fait de lui remettre au moment venu. Et ensuite, je sais que ça va pas lui plaire. Du coup, je me fais rembourser et puis je récupère la différence et puis je leur achète un autre cadeau qui lui plaira un peu plus. Attends, je comprends que dalle. Pourquoi tu lui achètes cette perte de temps qui lui plaît pas, tu le fais rembourser, tu gardes la différence et tu lui prends un autre cadeau qui lui plaît mais moins cher. Voilà, exact. Et avec la différence, t'en fais quoi? Tu t'offres un truc? Pour moi, ouais, voilà. Je vous assure que c'est un plan qui marche super bien, je le fais tout le temps. Tu es rad, hein? Voilà. Oui. Tout simplement. Voilà. Ça allait plus vite de dire ça. T'es une grosse pince. Je suis une grosse pince, mais bon, je l'assume hein, complètement. Mais tu sais quoi? Moi, je vais faire beaucoup plus simple que toi, je vais prévenir ta mère que t'es une grosse pince. On va gagner du temps, parce que si on va dans tes explications foireuses, c'est pas clair du tout. Efficacité. Bonjour, ton mec, c'est une pince. Au revoir. Au revoir. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Mélanie. Mélanie. Pince, monseigneur. Allô? Mélanie, bonjour, comment ça va? Bonjour. Bonjour, je m'appelle Coé, on est sur Énergie, ça va? Oui, très bien, et vous? Oui, magnifiquement bien, je suis avec Sébastien en ligne. D'accord. Ouais, mon cœur. Alors voilà, donc Sébastien avait une petite explication à faire pour les cadeaux de Noël. Parce qu'il m'a dit qu'il n'avait pas de chance. À chaque fois qu'il offrait un cadeau de Noël, ça te plaisait rarement. Est-ce que tu es gâté en général? Prends pas mal, chouchou. Non. Comment ça prend pas mal? Mais t'es malade ou quoi? Je t'offre des cadeaux tout le temps, moi. Oui, mais visiblement, ça ne lui plaît pas tant que ça. C'est pas, tu le sais très bien. Bah, ouais, mais bon, échange, c'est qui compte. Je fais quand même des efforts. Oui, on n'y fait pas ton choqué, toi. Bien hein sûr. C'est pour ça que je suis encore là. Non? Ça me fait plaisir. Sébastien, fais pas ton choqué. Ça t'arrange bien que les cadeaux lui plaisent pas, non? Hein? On l'entend plus, là. Il n'y a plus personne. Il dit plus rien. Faudrait peut-être y aller en douceur. Je vais en douceur, mais comme tu m'as fait perdre 4 minutes à m'expliquer un truc que j'ai rien compris. Coé, en douceur. En douceur. Mais de quoi pas? Alors, il fait semblant, il fait exprès d'acheter des cadeaux qui ne te plaisent pas. Voilà. C'est volontaire. C'est volontaire. Oui. Hein? Ah oui, c'est sciemment. Mais il va t'expliquer la suite. Mais vous, la diplomatie, c'est pas vraiment votre concours. Non, c'est pas faux. T'as cerné les personnages. Voilà. Oh, avec Erika, être plus clair. Je m'en doutais en plus. C'est toujours pour elle ce que tu Ah oui. Mais pourquoi? Et voilà, alors, voilà. Il y a une explication. C'est là que moi, j'ai pas compris tout de suite. On n'a pas compris l'explication. Tu vas peut-être la comprendre, toi. Chérie, je t'explique en fait. Bon, tu sais à quel point je t'aime. Hein. Quel point t'es une pince. Si je te fais des cadeaux, si je te fais des cadeaux, qu'est-ce que t'as pas, c'est pour en fait me faire rembourser après et que je récupère en fait la différence pendant les soldes. Et puis je me fais voilà. Et je me fais plaisir. Comme... Même lui, il rit. En gros, j'ai compris. Je crois qu'il a pas compris. Je t'explique, moi. Je t'explique. Tais-toi. On va te résumer. T'explique. En fait, Sébastien, il faut pas qu'il. Ouais. Je t'explique. En gros, il achète un cadeau qui va pas te plaire. En sachant qu'il va te pas te plaire. Il l'achète plein pot. Il le ramène. Écoute. Voilà, c'est ça. Et ensuite, il le ramène. Il se fait rembourser. Mais comme il le fait. Attends, j'ai pas fini. Arrêtez la famille. Je parle pas tout le temps. Et donc, il le ramène. Il se le fait rembourser. Mais comme c'est les soldes, il te rachète un petit cadeau. Et avec la différence, il se refait de la thune. Voilà. Non. Si. Ah, oh, il est magnifique. Ce... Oh. Eh oui, c'est une pince. Allez, Krabidik, explique-lui. Non, mais ça me choque pas trop, quoi. Enfin, ça me choque pas. Enfin, il est comme ça dans la vie. Ouais, si, c'est vraiment perché. C'est vraiment ouais, c'est un crevard. Ah non, je suis choquée là. C'est pas Sébastien, c'est Sébastien. Non, mais chérie, allô, chérie, je t'arrête deux secondes. Est-ce que tu m'as déjà fait un cadeau? Là, c'est année. Ouais, je t'en ai déjà fait. Est-ce que tu m'as Dis-moi. Ouais. Ah, je te donne mon cul. Alors oui, alors bon. Ça c'est cadeau. Alors effectivement, c'est cadeau. Mais est-ce que ça rentre dans la catégorie cadeau de Noël? Je suis pas sûr. Non. Mélanie, je ne suis pas sûr. Mélanie, je ne suis pas sûr que mettre son cul dans un papier cadeau sous le sapin pendant qu'il y a la famille, ce soit un vrai cadeau de Noël. Avec un joli nœud. Pendant qu'il y a la famille, mais en dehors, ouais. Même si tu l'emballes bien avec un petit nœud. Ça ne passera pas. Franchement, tu sais, quand tu m'offres des cadeaux. On va vous laisser entre vous. Hein. Mais on s'en est chargé. Non, mais j'attends toujours la liste des cadeaux que tu m'as offert. Allez, bonne fête de fin d'année à vous deux. On va aller les faire tes tatouages. Bah oui. On ira les faire ensemble. La magie de Noël. Ça, c'est pas pour rien. Joyeux Noël. Ça, c'est pas pour rien. C'est pour t'ouvrir les yeux. Pour toute votre famille. Plein de bonnes ondes. Plein de bonnes ondes et que du bonheur. Que l'esprit de Noël soit sur vous. La paix sur tous les ménages. Non, mais c'est une date, quoi. Christmas and Happy New Year. C'est un gros crevard qui s'est remboursé les cadeaux de Noël. Joyeux Noël. Tu t'es fait racketter à l'école ou quoi quand t'es petit pour faire des trucs comme ça? L'esprit de Noël est en vous. Le partage. Le partage. Moi, t'attends pas de super cadeaux. L'amour, les valeurs. Mais je m'attends à rien du mais je m'attends à rien. Gage ton argent. La générosité. Ouais, la réunion. Voilà. Oui, là, tu rêves. La tu rêves. Là, pour ta réaction d'hier. Mais le sac à main que tu m'as offert la dernière fois, il était dégueulasse. T'as une réaction de bouffonne. J'aime pas le rouge. T'as une réaction de bouffonne. C'est toi la crevarde. Quand il s'agit de manger chez les deux parents, chez mes parents, là, t'es la première à courir. Et quand il s'agit de partir à la monnaie, ta mère, elle m'a envoyé un message pour nous demander de faire les coupes. Bah, tu vas aller les faire. Savoir prendre soin de sa moitié. Savoir communiquer. Donner sans reprendre, ne rien faire, attendre. Apprendre à aimer. Avec ton père. Non, mais dis-moi, t'as vraiment un problème. Joyeux Noël. Ouais, bah voilà. Vas-y, bah maintenant, va faire. Tous les matins, avec Manu dans le 6-9 sur Énergie, c'est comme ça. C'est le livre le plus offert à Noël, la Bible. Ah ouais. C'est dingue, hein. D'accord. C'est chelou. C'est chelou, c'est celui qui est le plus offert à Noël. Maintenant, si vous avez un enfant qui vous demande une PS4 que vous lui filez la Bible. Ouais. C'est ça, c'est compliqué. T'sais, il va chercher la manette, il va pas comprendre. Hein. Il va dire, ça c'est le mode d'emploi. Manu dans le 6-9. Manu. Et ouin ouin. Tous les matins, 6h, 9h30 sur Énergie. La météo, c'est pas un cadeau, mais en exclusivité chez Feu Vert, pour l'achat de pneus Michelin, vous avez jusqu'à 80 euros offerts. Et ça, c'est cadeau. Voir conditions sur feuvert.fr. Il paraît qu'à Noël, on se pardonne tout. Bien sûr. Bon, de toute façon, ce qui compte à Noël, c'est les chocolats Jeff de Bruges. Raffinés, fondants, onctueux, à partir de 11,10 € le ballotin. Jeff de Bruges, tout

Avant qu'on parle de l'album, avant qu'on parle de The Voice Kid, avant qu'on parle de la tournée qui démarre à partir de mars 2019, avant tout ça, est-ce que tu as tout prévu et tes derniers cadeaux sont faits pour Noël ? Non ! T'as zappé, t'as oublié des... Non, il m'en manque quelques-uns. Ah ! J'avoue. Moi, j'ai tout fait, je n'ai jamais été autant à oui, l'heure. Oui, c'est très bizarre. Bravo, Koé. Je m'étonne moi-même, tout est prêt, tout n'est pas encore emballé complètement. Ça, c'est le plus chiant, ça. Quand tu dois emballer. Sois vite. Ouais. Ah oui, ça oui, non, emballer, non. Pas très bon. Ou alors, il faut opter pour le sac joli où il y a marqué Joyeux Noël et tu mets un coup de Bolduc et c'est fait. Voilà. Ah, c'est un coup de Bolduc. C'est les petits fils. Ouais. C'est le ciseau. Ça veut dire quelque chose en verlan, c'est une double sifflet. Bolduc. C'est les petits strapontins. Je connaissais pas. Ah, le truc qu'on fait frire. C'est pratique. Un Bolduc. Ouais, ça s'appelle du Bolduc. Ok, très bien. Ouais, mais il y a le kiff de déballer quand même. Ouais, c'est vrai. Jennifer, pour les enfants. Oui, je suis un enfant. T'aimes bien toi aussi. On fera un spécial Bolduc une autre fois si ça vous dérange pas. On a plein de choses à faire. Là, c'est pour ça qu'on doit chanter. Okay. Enfin, elle doit chanter. On a un truc dans un instant. Ah oui, dans un instant, je te le dis tout de suite. Oui. Nous reviendrons sur les imitations. Ah oui, obligé. Beaucoup de gens nous l'ont demandé. On n'est pas préparé. Alors, il n'y a rien à préparer. Beaucoup de gens nous en ont parlé, donc nous reviendrons là-dessus. C'est une cata. Ah oui. J'ai dû me faire. Ouais, je sais. Non, au contraire. Et nous aurons le blind test du Père Noël. Je t'explique le blind test du Père Noël, c'est extrêmement simple. Juste avant la pub, on a le temps, dans 20 minutes. Ouais. Nous aurons. Je suis en train de bouffer des bouts de neige. Oui. T'en as plein partout, t'en as plein sur le casque et tout. Mais j'en prends, mais je prends des bouts de neige, je parle et ça. Bon, pardon. Je disais, il y aura donc le blind test du Père Noël. Très bien. Principe est simple. Nous avons deux très beaux costumes. Oui. Costume de Père Noël. Et est-ce que c'est un autre costume de Père Noël ou un costume de Mère Noël ? Père Noël et Mère Noël. Père Noël et Mère Noël. Ok. Celui qui perdra le blind test. Oui. Finira l'émission, les trois dernières minutes d'émission, ou les quatre dernières minutes d'émission, en Père Noël. Ok. Donc si c'est toi, d'accord. Tu seras en Mère Noël et d'accord. Tu devras chanter en Mère Noël. D'accord. Si c'est moi... Je serai en Père Noël. Wow, d'accord. Ok. On verra ça tout à l'heure. C'est du blind test. Hein. Allez, ça va. Et j'ai pas les réponses, donc c'est vraiment que le meilleur gagne. Avant tout ça, elle va se balader un peu partout à partir de mars 2019, Jennifer. Elle sera à Ajaccio. À Nice. À Bruxelles. À Liège. À Strasbourg. À Marseille aussi. Encore. Au Mans. À Fougères aussi. À quoi d'autre ? À Lyon, à Annecy, à Amiens, à Lille, à Toulouse, à Montpellier, à Dijon, à Bordeaux, à Boulogne-Billancourt et le 19 mai à la scène musicale à Paris. Voilà. Merci. Tu vas t'éclater dans ta tournée. Ça va être une tuerie. Avant tout ça, est-ce que tu l'as dit ou est-ce que tu ne l'as pas dit ? Retour sur des années d'interview. Je mets entre guillemets, tu me dis si tu l'as dit ou pas. Ok. Attention, il ne faut pas être trop rude ni avoir peur de se salir. Je l'ai probablement dit. Dans quel contexte ? Alors, je ne sais plus. C'est autre chose chelou, ça. Non, tu l'as dit, magazine Elle. D'accepter de se livrer tout en restant pudique. Tu l'as dit. Oui. Tu l'as dit ou pas ? Je ne fais pas partie de ces chanteurs qui ont un orgasme en s'écoutant. Absolument. Oui, je l'ai dit. Magazine public. Nous, on en connaît qui ont des orgasmes en se regardant. Ah ouais, nous. Oui. Nous. Alors, c'est probablement pas une interview que je leur ai accordée. Hein. Mais tu l'as, visiblement, tu l'as dit. Ils l'ont repris. Ouais, ils l'ont peut-être repris. Mais oui, c'est vrai que nous, on a vu des artistes il y a pas longtemps se regarder et se prendre. Et ouais, surtout kiffer. Je vois pas qui. Regarder ses propres clips aussi. T'as jamais fait ça en interview? De sortir ton téléphone pour te regarder en clip pendant. Ah non, mais non, non, mais tellement pas. Ah ouais. On a eu ça récemment. On a eu ça il y a trois jours. Totalement l'inverse. Aya Nakamura. Ah, j'adore. Sans problème. Elle a passé son temps sur son téléphone et je lui ai dit arrête de prendre ton téléphone. Et je ne savais pas ce qu'elle regardait. Oui. Et ensuite, toute l'équipe de mémoire, elle regardait son clip. Bon après, on est fiers de ce qu'on propose. Ouais, bon, enfin, il a 4 mois quand même. Le non, mais peut-être qu'elle checkait quelque chose. Franchement, elle regardait son clip, elle se kiffait. Voilà, elle a le droit de se kiffer. Ah bah, elle a raison. Tu l'as dit ou pas? Oui. Si j'avais pas fait carrière dans la chanson, j'aurais été imitatrice. Non. Non, je l'ai pas dit. Non, tu l'as pas dit. Tu l'as dit ou pas? J'ai fait Starac parce que j'étais dans une merde totale. Oui, c'est vrai. Aussi, oui. Télé 7 jours. Ouais, c'était un petit peu compliqué. Vous savez, je suis arrivée à Paris, j'avais 16 ans. J'avais 1500 francs à l'époque, on était en francs. Ouais. Ça vous donne l'âge de Jennifer au carbone 14. C'était très compliqué. Ça vous la date un petit peu. C'était très compliqué. Et j'avais envie de chanter et il y avait ce casting complètement extraordinaire. Et effectivement, ça m'a servi énormément. J'avais des cours gratuits, j'ai rencontré des gens et puis j'ai pu enregistrer mon premier album. Voilà, donc, comme dirait Nikos. Ça m'a sauvé un peu. Et la vie te l'a bien rendu, bravo. Tu as dit ou pas, le prochain qui me reparle de l'histoire de la Ferrari de Mario, je lui envoie mes cousins. Non. Non, j'ai jamais dit. Tu l'as jamais dit. Il y avait eu cette histoire à l'ancienne, on l'avait vécue, nous. Oui. Où elle avait promis une Ferrari à Mario, qui l'attend toujours, effectivement. Mais non, il a eu. Tu lui as offert? Mais bien sûr. Mais non. Sérieux? Oui. Bah oui. Mais une petite? En jouet? Une quoi? Une taille réduite, en fait. Fais gaffe, je vais l'appeler. C'était pas la bonne couleur. Tu lui as offert? C'était pas la bonne couleur, donc il a été vexé, mais. Oui. Mais non, tu en as offert une? Non, mon Dieu. Ah non, mais j'ai envie de savoir, tu blagues pas? Mais non. On n'y croit pas. Tu l'as dit ou pas? Je subis mon prénom, j'aurais préféré m'appeler Juliette ou bien Yaël. Je sais pas. Corinne, c'est pas mal. Ça vous irait bien, Corinne? Non, en fait, ce sont mes deux autres prénoms. Mais tu l'as dit, journal du dimanche du 22 novembre 2016. Ah oui, bah alors je l'ai dit. Tu l'as dit ou pas? D'une manière générale, j'aime pas les mecs lourds, mais j'aime bien Coé. Ouais, je l'ai dit. Non, tu l'as pas dit, mais tu l'as pensé tellement fort. Et la dernière, est-ce que tu l'as dit ou pas? Mon public ne savait plus qui j'étais, moi non plus, je ne le savais plus. Oui, je l'ai dit. Tu l'as dit dans 20 minutes, à quelle occasion? À l'occasion, quand on... Bien, en fait, j'ai changé énormément de direction musicale sur chacun de mes disques parce que j'en avais besoin, parce que je fonctionne avec une grande honnêteté dans toutes mes démarches. Et il est vrai que j'ai fait des rencontres qui m'ont rendue curieuse. Donc du coup, j'ai tenté des choses pour proposer des choses différentes aussi au public qui m'accompagne et pour proposer des choses différentes, surtout sur scène. Et voilà. Et du coup, peut-être qu'artistiquement, je m'étais un petit peu perdue. Égarée, oui. Merci Jennifer. Elle est notre invitée dans un instant. Qui sera en Père Noël? Dans un instant, elle va chanter Jennifer. Dans un instant, les imitations sont de retour. Dans un instant, je vous redonnerai la date des tournées pour aller voir Jennifer à partir de mars 2019. On est vendredi, dernière émission avant Noël. Merci tout le monde d'être avec nous et merci d'avoir été là depuis le début de l'émission, depuis fin août. Ça nous fait très plaisir. On est sur Énergie. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Mon ami, Thiago. Mon ami, mon ami, mon ami. copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami Tiago, Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le pire. Tiago, c'est Coé sur les... Jennifer est notre invitée. Le nouveau single, vous le découvrirez, mais vous le connaissez, on l'avait déjà entendu, on viendra nous le faire dans quelques minutes. Nous finirons l'émission à 21h avec ce titre, encore et encore. À 20h. Comment ? À 20h. J'ai dit 21h ? Oui. Oui, on finit à 20h, autant pour moi. Oui, On fait du rap ce soir. Il est fatigué, il est fatigué. Il y a Rico derrière. Bah oui, pourquoi je me voyais jusqu'à 21h ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Je suis bien, j'avais pas envie de partir. Ça... Et ça, c'est Jennifer avec son pull de Noël. Ça. Ouais. Ça, c'est... Il est beau ce petit pull. Pull est quoi ? Non, rien. Quoi ? T'as dit quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il pue ce pull ? Et boule. Ah. Mais ça aurait été moi qui aurait... Mais c'est moi qui aurais fait cette vanne, on aurait dit, oh, balance ton porc, comment il est-ce qu'il a osé dire ? Mais vous êtes très jolie, et boule aussi, tout va bien, vous êtes très belle. Et boule aussi. Non, non, mais c'est un très beau pull, et Jennifer, elle est magnifique, voilà. Oh, mais c'est gentil. Non, mais c'est vrai, en plus, des fois, il y a des artistes qui sont jolis en pochette, et moi en vrai, et Jennifer, ouais, dans la vie, on peut te croiser n'importe quand, avant un concert, avant une scène, tu es une très belle femme. C'est vrai. Voilà, c'est vrai, le public est d'accord. Même avec une moustache. Voilà, même avec une moustache, elle est sexy, regarde, tu vois là. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent, c'est pas qu'elle a une moustache aujourd'hui, c'est qu'elle vient en mettre une pour déconner. Hein. Oui, il lui a dit qu'elle avait une moustache. Elle a une moustache, Jennifer. Donc il y va fort quand même. Bon, comment ça se passe, The Voice Kids et The Voice tout court ? Très très mal. J'en peux plus. Les tocards qui chantent mal, j'en peux plus. Non, ça se passe hyper bien. J'ai retrouvé mes copains. Alors, on part de The Voice Kids ou The Voice ? Les deux, The Voice Kids, c'est cool, ça c'est... The Voice Kids, c'est génial. Voilà, c'est une vraie plage de récréation pour nous, les coachs. On découvre de fabuleux talents, très jeunes. Il y a moins de pression sur The Voice Kids. C'est un peu plus à la cool, c'est plus gentillé. Bah, il y a moins d'enjeux pour les enfants, donc ouais. Voilà. Et puis t'as pas gagné, d'une carrière, donc du coup, c'est la oui, petite avec c'est, toi qui a c'est Emma qui a gagné. Ouais. Oui. Bon, et The Voice tout court, donc, c'est génial. Et The Voice, c'est génial. The Voice tout court, là on est en plein enregistrement. Il y a Julien. En ce moment avec Julien qui est génial. Tout est génial en fait en ce moment. Non, mais c'est très positif en fait. C'est une émission de divertissement où ça joue live. Il y a de vrais beaux talents, il y a de vrais voilà, de vraies découvertes, en tout cas de talents. C'est une vitrine extraordinaire pour tous ces talents. Et voilà. Donc non, j'adore mais comme tu termines tes phrases. Non, mais c'est génial. Et voilà. Non mais c'est une vraie aventure humaine complètement extraordinaire. Et comment Julien Clerc ? Il est cool ? Il est top. Plein de gens ont critiqué son arrivée dans l'émission. Et ben moi, il est brillant. Il est très concerné par son rôle de coach. Beaucoup de gens disaient qu'il était vieux. Et moi, il est très pertinent. Moi je trouve que Julien Clerc c'est une très bonne idée parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la télé. On le sait tous, hein, qui ont plus de 50 ans. Y compris qui regarde The Voice, et Julien Clerc, c'est le gars qui fait craquer les femmes de plus de 50 ans, on va se le dire. Si. Je trouve ça très malin d'avoir pris Julien Clerc avec des artistes plus jeunes, etc. Je trouve ça très bien. Oui. C'est une très bonne idée. Le mec, il est impressionnant. T'as vu comme il est beau gosse ? Il a quoi, 65, 8 ? Il a un répertoire extraordinaire aussi. Il est encore en tournée. Il est plus vieux que ça. Je crois qu'il a beaucoup. Oui, il a plus. Bon, il a beaucoup. Il a pas 90 ans non plus. Il a 95 ans. Il a 120 ans, il paraît. Julien Clerc. Justement, il fait pas son âge. Il paraît qu'il est plus vieux qu'une tortue, lui. Il est très beau. Non, mais il est beau, mec. Moi, je l'ai vu la dernière fois. Le gars, il mange rien, ceci dit. Hein. Il a 71 ans. Les gens, ils mangent une feuille de salade. Ah, il bouffe maintenant, il rebouffe. Ah, il rebouffe. Parce que je l'ai connu à un moment donné à manger sa feuille de salade. Il se finit, il rebouffe. Oui, c'est quelqu'un de très. Il est très épicurien. Ah, il tape dans le kebab maintenant. Il y va. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire comme cadeau de Noël ? Parce que tu m'as dit qu'il en manquait quelques-uns. Est-ce que tu vas offrir, des jouets ? Est-ce que tu t'es baladé un petit peu dans le rayon jouets ? Oui. Quel est le truc qui a retenu ton attention ? Je dis pas ce que tu offres, hein, mais qu'est-ce que tu as retenu comme attention ? Qu'est-ce qui t'a retenu ? Qu'est-ce que tu as retenu ? Qu'est-ce que tu as ? L'atelier du chimiste. Ah, c'est rigolo, ça j'aime bien. Faire des mélanges de plein oui. de trucs. C'est ton côté corse. C'est nul. C'est hyper nul. Bah c'est nul. Pas moi qui l'invente. Non hein. mais c'est nul à chaque fois cette blague, arrêtez. Ah, bah, t'as qu'à pas offrir le petit chimiste. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est tradition. Mais voilà. Attends, il y avait quoi? Non, parce que là, pour le coup, pour les jouets, je m'y prends vraiment très en amont. Très bien. Ouais. J'ai peur des ruptures de stock. Tu sais, as raison. À la mode, tu as raison. Voilà. Livré après Noël, non? En fait. Ça va pas être possible. Et vous avez moins 20% si vous les avez le 29. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, c'est ça. Ah, faudra faire patienter les petits. Alors, on est où au niveau imitation? On est mal, on est très très mal. Est-ce qu'il y en a des nouvelles? Je peux avoir les paroles? Non, il y en a. Non. Tu n'as pas travaillé? J'ai pas travaillé. Oh là là. Oh, on n'a pas révisé. Est-ce que tu te souviens de toutes les paroles de tes chansons, par exemple? Est-ce que tu te souviens? Oui. Si je prends encore, tu connais tout. Je vais te faire répéter avant que tu chantes dans quelques minutes. Pas besoin des paroles pour encore. Non, mais comme c'est un edit radio, vaut mieux les avoir près de soi. Très bien. Alors tu les gardes. Et donc on va les lire ensemble. On va les lire. Donc Miko va lire le début. Vous les avez vous ou pas? Non. Prenez-les. Il y a que toi. On va faire Miko, Stouf. On lit comme ça. Tu révises le texte. Et puis quand j'arrive sur toi, Jennifer, hop, je te demande une voix. Mais et là, vous avez la version longue. Ah, d'accord. Bon, on va les lire quand même. On n'a pas d'autres versions. Attention, Miko, on y va. Je lis. Oui. Après, tu passes à Stouf et après Jennifer et j'impose une voix. Puisque les fleurs n'arrêtent pas les balles, que les pétales recouvrent nos chemins. Stouf. Le passé coule sur mon visage. Mon enfance a glissé entre tes mains. Zazie. Ah, elle a l'air contente. Faire Zidane. Zidane. Ça commence pas comme ça. Non, je peux pas. En Zidane. Éventuellement te faire Jeanne Moreau. Mais... je ne la connaissais pas. Ah non, c'est nouvelle. Tu vois que tu les as bossés. Tu vois que tu les as bossés. Attends, j'hésite entre Jeanne Moreau ou Catherine Lara. Tu vois? Hein? Tu vois? Nos souvenirs me reviennent encore et encore. Mais Zizou, tu le tenais la dernière fois. Ouais. Mais j'ai que dire sur bonjour. Une, oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, elle a, oui, alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, elle a un répertoire d'imitation oui, très court. C'est rapide, ouais. C'est sur un mot. Si demain elle se lance dans le one man d'imitation, au bout de 20 minutes, vous êtes sorti de la salle. Non, c'est je pense pas à moi. Ah bon, vas-y alors, vas-y. Voilà, vas-y. Je vais essayer. Vas-y Zidane. Il y a une concentration encore, en fait. Une enfant. Non, faut qu'elle le trouve. Mais j'ai pas envie, Koé. Mais non, franchement, c'est pas vrai. Ah c'est pas vrai. C'est pas Nico, vrai. Il est nul, regarde. Jacques Chirac. Écoutez. Voilà, tu vois le niveau là. Manger des pommes. Là, regarde, souffle, Mylène Farmer. Voilà, là t'as du niveau nul. Là, je t'ai pas mis de ce côté là d'ailleurs. Je t'ai mis entre les deux. Oui. Ouais, je t'ai pas demandé Homer Simpson. Non, c'est vrai. J'aurais pu. Ah, vas-y. Homer. Ah non, c'est Marge. C'est Marge. Oui, là, mais attends, ça veut dire que tous les deux, on peut faire un truc. Oh. Moi, je fais le mari, puis tu fais la femme. C'est bon, ça. Mais oui, mais ça attends, fait bien. Attends, tout, on va faire, dis donc. Marge, est-ce que tu sais qu'elle va être en concert, Jennifer, à Paris bientôt? Oui. C'est le 19 mai, la scène musicale. C'est bien, c'est le 19 mai, ça tombe bien, on n'avait rien de prévu. Moi, ça me ferait trop plaisir d'aller la voir. Il paraît que c'est trop bien sur scène. Ça va être la fête. Ah, j'ai vu Jennifer chez Coel, elle a une voix chelou. Mais c'est génial. Et ben, c'est tu génial. Sais quoi, mais on y sera tous. Et puis, ce serait bon. Ah, tu vois qu'on le fait bien. Ah, c'est bien. Et ben, ce qu'on va faire, c'est. On va trouver une nouvelle. Ben, t'en as fait une nouvelle, et puis moi, je tiens comme ça jusqu'au bout. Restez avec nous, on est sur énergie. Tout. Faire un donut. Et puis, je suis de retour. Ça va, Marge? Oui. On est avec Jennifer. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. Cause he was an angel. One taught me love. One taught me patience. And one taught me pain. Now I'm so amazing to have loved and I've lost. But that's not what I see. So look what I got. Taught me, yeah, for that I say thank you, next, thank you. Cause she grew from the drama. Only wanna do it once real bad. Gonna make that shit last. God forbid something happens. At least this song is a smash. Mais qu'est-ce que vous branlez? Qu'est-ce que vous voulez? Ça sert à rien. On s'en fout que vous parliez, les applaudissements. On était en train de discuter. Bah oui, mais arrête de les perturber, toi aussi. Mais tes lettres, tu ne leur parles, les résultats, ils n'entendent pas les jingles. Oh. Bah oui, mais enfin, regarde les résultats. Ah bah, on a repris l'antenne avec un démarrage tout pourri. On va refaire. 3, 2, 1, public. Voilà. Oui, c'est bien. Jennifer est notre invitée. Ah tiens, j'ai envie de réécouter celle-là. Ah, j'ai envie de réécouter celle-là aussi. Est-ce que tu es prête pour les concerts? Oui. Ah, je croyais que t'allais le dire. Ah, je me prépare. Je me prépare. À partir du mois de mars, en tournée partout dans toute la France, Jennifer, allez la voir. Ça démarre par Ajaccio, ensuite Nice, Bruxelles, Liège, Strasbourg, Marseille, au Silo à Marseille, Le Mans, Lyon, Annecy, Amiens. Et donc le 19 mai, ne ratez pas, à la scène musicale à Paris. Est-ce que vous êtes prêts pour le blind test? Je rappelle qu'à l'issue de ce blind test, Miko, tu vas compter les points. Oui, d'accord. Entre Jennifer et moi. À l'issue de ce blind test, le perdant reviendra dans un instant après la pub et sera en Père Noël. En gros, je vous la fais court. Ou Mère Noël. Ou Mère Noël. Et devra, si c'est Jennifer qui est en Mère Noël, chanter en Mère Noël. Ce qui est plutôt sympa à quelques jours de Noël. Je trouve que oui. Ce serait plutôt mignon et ce serait une belle image. Oh, oui. La coupe est... Non, c'est vrai. Mais là, devant la casquette, c'est plus bluffant devant la casquette non, encore. C'est énorme. Oui, elle est là, comment il s'appelle. Attends. Qu'est-ce qu'elle dit déjà? Elle répond normalement, elle parle, elle fait oh mère! Oh mère! Voilà! Oui, t'es la barbe à papa sur la tête, elle lui fait la coiffure de marge. C'est énorme. On n'a pas le temps? Ah non, on n'a plus le temps. Ah d'accord. Bah, dans un instant, bah oui, mais si elle joue aussi avec des barbes à papa. Bah oui, bah ouais, si tout le monde joue avec des barbes à papa. C'est-à-dire? Bah c'est qu'on n'a plus le temps, c'est la pub. Ah oui, mais tu joues aussi, toi. Non, mais non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Blind test dans un instant. Alors on y va. Là, tu peux manger. Non, parce que c'est la pub. D'accord. Ah, c'est un concept, là, tu peux manger. C'est bon. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Toute la journée. Avec Conforama, Noël est plus beau. À ceux qui voudraient mixer les idées repas, nous on propose le blender Moulinex 500 watts à 39,99€, soit 20€ de remise. Pour 20 fois plus de recettes à petit prix. Conforama, jusqu'au 8 janvier, magasin ouvert dimanche, voir liste et conditions sur Conforama.fr. Franchement, la prime de Noël chez Opel, j'avais pas cru. Une reprise de 4000€ minimum pour l'achat d'une Opel. Ça va, oh, j'ai pas que 4 ans, quoi. J'ai passé l'âge, je crois, au Père Noël. Hein. Et en fait, c'était vrai. Et moi, j'y ai pas cru, nul, quoi. Elle sera trafiquée, ma voix. Hein. Je préfère, merci. Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 31 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4000€ pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Conditions sur Opel.fr. Portes ouvertes du 28 au 30 décembre. Nocibé. Envie de trouver le cadeau idéal pour Noël? Rendez-vous chez Nocibé pour combler tous ceux que vous aimez. Parfums, coffrets, palettes. Des offres exceptionnelles à tous les prix vous attendent en magasin ou sur Nocibé.fr. Et jusqu'à la dernière minute, profitez du Click and Collect 2 heures sur Nocibé.fr. Nocibé, la beauté libérée. Conditions dans les magasins participants et sur Nocibé.fr. Encore merci. De rien, madame. Bonne fête avec Célio. Merci, vraiment merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Non, mais vous ne comprenez pas. Merci, Célio. Merci, Célio. Merci. Merci la vie. Mille fois merci. En ce moment, chez Célio, moins 50% sur le deuxième article. Vous ne rêvez pas, c'est bien Noël. Jusqu'au 25 décembre dans toutes les boutiques Célio, voire conditions en magasin. C'est bientôt Noël. Dépêchez-vous de trouver le cadeau idéal.